bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre présence. Voici près de 36 ans, apparaissait sur les écrans un film qui a vraiment marqué ceux qui l'ont vu à l'époque. C'est Alien, Alien le huitième passager. C'est un thriller de science-fiction dont l'action se déroule dans un futur indéfini. Un futur où des entreprises commerciales exploitent des mines de fer dans l'espace, où des vaisseaux remorqueurs tirent derrière eux des usines de raffinage, où des robots maquillés en humains influencent secrètement les décisions qui se prennent dans leur vaisseau. Un futur où des œufs sautent au visage des astronautes imprudents. Astronautes imprudents dont l'abdomen explose lorsque des larves extraterrestres qui y ont élu domicile décident de le quitter, l'abdomen, pour répandre la terreur et la mort. Bref, c'est un film assez hors du commun. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire peut-être dans ce film Alien, c'est à quel point il annonce des choses qu'on va voir ou qu'on a commencé déjà à voir aujourd'hui dans le domaine spatial. Et vraiment, il annonce des choses qu'on est en train de voir. Donc c'est Alien, un monstre de film, bienvenue donc à ce mardi de l'espace, organisé comme à chaque fois par le CNES, l'Agence française de l'espace, et puis par l'association Barre des sciences Paris. On va donc parler d'Alien, d'abord avec vous, parce que je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir discuter, poser vos questions, donner votre avis, évidemment. On va en discuter aussi avec les internautes, parce qu'on est en lien là avec des twittos qui sont un peu partout en France, même un petit peu un peu ailleurs sur la planète. Et on a nos twittos ici qui sont en train de discuter avec eux et de leur raconter ce qui va se dire ce soir. Vous pouvez vous aussi d'ailleurs intervenir sur Twitter avec le hashtag KnesTweetUp. Et puis surtout, on va en discuter avec nos trois invités. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Pascal Bultel, Franck Leo et André Farran. Alors, on va commencer par mieux faire connaissance avec vous, trois messieurs. Pascal Bultel, parlez-nous de vous. Dites-nous qui vous êtes, à quel titre vous vous exprimez. Tenez, prenez le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Pascal Bultel, je suis ingénieur du CNES à l'heure actuelle et pour quelques temps détaché dans l'industrie. Ingénieur du CNES, détaché dans l'industrie chez Airbus. Chez Airbus. Voilà, c'est ça. Et votre spécialité, c'est quoi en tant qu'ingénieur spatial? Les concepts avancés en général et on dira les lanceurs réutilisables et les remorqueurs également. Alors c'est quoi les concepts avancés ? Bien, ce sont tous les concepts non conventionnels, c'est-à-dire les concepts qui diffèrent des lanceurs des fusées classiques tels qu'on les connaît, les Ariane 1 à 5 jusqu'à Ariane 6. On va dire c'est tout ce qui est réutilisable ou les véhicules en orbite. Donc vous vous intéressez à l'avenir du spatial, hein. Vous êtes un peu un futurologue, si je puis dire, du spatial. C'est exactement cela. C'est exactement ça, d'accord. Et puis, à votre côté, donc, monsieur Leo. Bonjour, moi je suis donc médecin qualifié en médecine aérospatiale. J'aime beaucoup faire de la vulgarisation de médecine spatiale. Et mon autre activité, c'est médecin dans l'Airbus Zéro Gravité et chef instructeur donc chez Novespace. Et vous êtes aussi auteur, comme je le prouve, voilà, un de vos livres. C'est pas forcément le plus récent, hein. C'est le premier. Embarqué dès demain pour l'espace, hein. Vous avez coordonné cet ouvrage qui est sorti chez Vuibert. Et dedans, il y a un grand chapitre médical. Ouais. Voilà, un grand chapitre médical que vous avez écrit avec d'autres personnes. Donc vous êtes le médecin. Et c'est vrai qu'il est pas mal question de biologie dans le film Alien. On va surtout d'ailleurs, je précise, parler du premier Alien. Ça ne nous empêche pas de parler des autres hein, aussi. Mais voilà, le sujet c'est d'abord et avant toute chose le premier Alien. Et puis à votre côté, Monsieur Farran. Alors, je suis juriste, chef d'une division à l'Agence spatiale européenne qui s'occupe des aspects juridiques avec cinq autres juristes de tous les programmes de l'Agence spatiale européenne que vous connaissez sans doute. Les lanceurs qu'on a nommés tout à l'heure, Ariane 5, Ariane 6, Vega, la Station Spatiale Internationale, les programmes d'exploration spatiale. Naturellement, tous ces programmes sont des programmes spatiaux, mais il y a énormément d'aspects juridiques, naturellement, à traiter au sein de l'Agence Spatiale Européenne, et c'est ma responsabilité. Je suis là à l'agence depuis 25 ans, je suis canadien. Je suis avocat au Québec et depuis 1979. Et ma spécialité, c'est non seulement le droit de l'espace, mais c'est aussi le droit applicable à la Station spatiale internationale et aux astronautes, où j'ai participé depuis 25 ans et plus à toutes les négociations concernant la Station spatiale internationale. Donc, un spécialiste des vaisseaux et du futur des vaisseaux, un spécialiste de médecine spatiale, un spécialiste de droit spatial. Je vais commencer par vous poser quelques questions avant de vous passer à vous, le micro dans le public. Pascal Bultel, dites-nous, je disais en introduction que le film Alien, le premier, préfigurait un certain nombre de choses qu'on a vu arriver. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Mais lorsque je l'ai découvert, j'étais bien jeune. J'avais seulement 10 ans. C'était trop jeune. Mais vous avez fait des cauchemars ensuite ? Oui, j'ai mal dormi pendant quelques temps. D'accord. Par contre, ce qui m'a beaucoup... ça vous empêche pas de revenir quand même aujourd'hui ? Oui. D'accord. La différence, c'est que maintenant, j'aime bien avoir peur. Alors d'accord. Qu'à l'époque, pas trop. Ce qui m'a beaucoup surpris à l'époque, lorsque j'ai découvert le magazine qui était publié en France. C'était le hors-série 43 bis du magazine Metal Hurlant, le grand magazine sur Alien. Ce qui m'a énormément surpris, c'est que le film aborde des choses qui étaient totalement nouvelles à l'époque. Donc il y avait de l'intelligence artificielle, les ordinateurs ont fait des progrès depuis. Il y avait le remorquage orbital. Le remorquage, à l'époque, on parlait que de fusées. Les lanceurs réutilisables, j'en avais jamais entendu parler. Là, c'était encore plus fort, c'était du remorquage orbital. Ça commence tout le vaisseau, enfin, toute l'action se passe dans un remorqueur. Il faut imaginer comme un petit bateau qui transporte, qui tire derrière lui un pétrolier. C'est ça, le Nostromo. C'est ça, c'est le vaisseau d'Alien, c'est un remorqueur. C'est exactement cela. Et on parle aussi, donc, de dormir. Dormir pour voyager longtemps. Est-ce que c'est possible? On n'aborde pas du tout ce genre de thème dans les autres films de science-fiction en général. Et je donne trois exemples, mais il y en a plein d'autres. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, on a quand même un ordinateur qui s'appelle HAL. C'est un peu de l'intelligence artificielle, là, non? Oui. C'est même parlé. Il y a une grosse différence, c'est que dans Alien, ils dorment et l'ordinateur contrôle tout. Pendant qu'ils dorment. Alors que dans 2001, il y en a encore deux qui ne dorment pas. Alors que dans Alien, ils dorment pendant un an et ils ont leur vie entre les mains de l'ordinateur. Et ben ça, je m'en rappelle. Ça fait 36 ans, je m'en rappelle et ça m'avait choqué. Ah d'accord. Alors quels autres éléments vous voyez qu'on trouve dans Alien et qui préfigurent ce qu'on a vu arriver ? Alors ce qui est étonnant, c'est que la totalité des thèmes du film sont devenus des thèmes d'études. Ce sont tous des thèmes d'études. Il faut voir que lorsque le film est sorti, c'était complètement de la science-fiction. Mais vraiment, vraiment de la science-fiction, et qu'il n'y a pas un seul des thèmes du film qui, à l'heure actuelle, ne justifie pas des recrutements à temps plein. Donc ça montre bien ce qu'on a fait en 36 ans. Alors on peut s'arrêter une seconde sur le remorquage spatial. Moi, je ne vois pas de remorqueur dans l'espace. Vous me dites aujourd'hui, il y a des études sur le remorquage? Ça existe aujourd'hui, les remorqueurs spatiaux? Alors, le remorqueur orbital, donc on parle du lanceur, on parle des satellites, mais le remorqueur, en fait... C'est celui qui l'a depuis très longtemps, mais qui est le parent pauvre. C'est celui dont on ne parle pas, c'est celui qu'on cache. Il y a de cela très très peu de temps que techniquement on le regarde beaucoup plus. Mais dans la culture populaire, c'est plus vrai dans les pays anglo-saxons. Mais lorsqu'on tape véhicule commercial de remorquage, et bien ce qui vient le plus souvent, c'est le Nostromo d'Alien. Parce que le Nostromo, c'est le vaisseau remorqueur d'Alien. Ouais. Le remorqueur, en fait, le film Alien a introduit dans la culture populaire le remorqueur spatial qui était totalement absent auparavant. Totalement absent. Bien qu'il existe déjà. Mais avant... Vous êtes en train de nous dire que les remorqueurs, ils ont mauvaise presse. Mais ça existe aujourd'hui, des remorqueurs? Il y en a aujourd'hui des remorqueurs? Alors, le premier remorqueur, le premier vaisseau qui a été conçu pour être un remorqueur, en fait, c'est une variante du Soyouz, c'est le Progress. Le Progress. C'est un remorqueur. Il existe encore aujourd'hui, le Progress. Il dessert la Station Spatiale Internationale. Tout à fait. Le Progress fait son premier vol en 1975. Mais en 1975, c'était juste après Apollo. C'était un tout petit véhicule. On peut pas dire que c'était d'une grande noblesse. C'était pas un lanceur, donc c'était vraiment celui que l'on cachait encore. Et en fin de compte, Pourquoi est-ce que le Progress est un remorqueur? Alors, la c'est différence. Pas... Le Progress, vous rappelez quand même, c'est un véhicule automatique spatial qui part de Baïkonour au Kazakhstan et puis va rejoindre la Station Spatiale Internationale aujourd'hui. Et il a à bord des tonnes et des tonnes de matériel, de l'eau, de la nourriture, voilà. Des expériences. Et il est automatique. Alors le Progress ou la TV, parce que la TV qui est un véhicule beaucoup plus récent, beaucoup plus performant, c'est un remorqueur. Alors, donc la TV, c'est l'équivalent européen du Progress. Tout à fait. Il a les mêmes fonctions, beaucoup plus modernes. Voilà, qui est lancé par Ariane. Et on pose souvent la question, quelle est la différence entre un cargo et un remorqueur? Oui, parce que le Progress, moi je dirais, c'est un cargo. Il transporte des choses, c'est pas un remorqueur. Si, il y a une différence qui est absolument colossale entre les deux. Et physiquement, on le comprend bien. Un cargo, c'est un véhicule qui a toute sa charge utile en interne. Donc le Progress, qui est une variante du vaisseau Soyouz, c'est un Soyouz un petit peu modifié, le Progress, lorsqu'il fonctionne en mode cargo, c'est-à-dire en mode ravitailleur, il fonctionne avec son volume interne, c'est-à-dire à peu près 14 mètres cubes. Lorsqu'il fonctionne en mode remorqueur, et notamment lorsqu'il donne une petite impulsion à la Station Spatiale Internationale, son volume utile, le volume sur lequel il peut agir. Attendez, parce que là, vous dites quelque chose de très important. C'est donc le Progress, comme je l'ai dit, sa fonction, c'est effectivement d'apporter du cargo, donc des éléments sur la Station Spatiale Internationale. Mais il est également capable donc de se docker, de s'arrimer et de pousser la Station Spatiale Internationale. Tout à fait. De la pousser, de changer son orbite et de la porter là où elle doit aller. Pour la maintenir sur son orbite, comme la TV, c'est la même chose. Mais la différence entre un cargo qui a son volume interne quelques dizaines de mètres cubes ou un peu plus, et un remorqueur, c'est que le remorqueur, en fait, il travaille sur des milliers de mètres cubes. Donc ça change complètement sa capacité opérationnelle. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le film. Le Nostromo est un, entre guillemets, petit vaisseau de seulement 330 mètres de long, mais la raffinerie... Alors ça, c'est pas dit dans le film, Alors, ils ne le disent pas dans le film. On lit des choses ensuite et on comprend un certain nombre de choses. Mais dans le film, on ne vous donne pas les échelles et les distances. Tout à fait. C'est dans la littérature associée au film qu'on le découvre. Donc, c'est un vaisseau qui est quand même assez grand, 330 mètres. Cela dit, la raffinerie qu'il tire derrière lui, d'ailleurs, on voit dans le film qu'il se détache à un moment pour se poser sur la planète. Donc, la raffinerie qu'il tire derrière lui fait 2 km. Donc, c'est l'avantage du remorqueur. Alors, on peut regarder la première image là de ce document que vous avez sur vos tables. Donc, c'est la toute première image. Alors, elle est extrêmement noire. Ça, c'est une capture d'écran du film Alien. Donc, c'est une des premières images. Et ce qui est écrit là, c'est ce qu'on voit dans le film. C'est vraiment une image récupérée du film. Donc, Commercial Towing Vehicle de Nostromo, donc véhicule de remorquage, le Nostromo. Crew, donc équipage 7. Cargo, donc qu'est-ce qu'il transporte, qu'est-ce qu'il tire? C'est effectivement une raffinerie dans le domaine du minerai de fer, 20 millions de tonnes, et il est en train de revenir vers la Terre. Et lorsqu'on voit derrière, qui est extrêmement fantomatique, et c'est à peu près aussi fantomatique dans le film, on les voit mal les vaisseaux dans Alien, ils sont toujours soit dans le brouillard, dans le noir, c'est pas très éclatant, c'est pas comme dans La Guerre des Étoiles où on les voit sous toutes les coutures et très bien éclairés. Ce qu'on voit derrière, c'est la raffinerie en réalité. Alors ça, c'est très trompeur. Parce que moi je vois ce film-là, et qu'on me dit ça, j'ai l'impression que ce que je vois là, avec cette forme-là très étrange, c'est le Nostromo. Alors que c'est pas le Nostromo. Non. Ça, ce qu'on voit derrière, c'est la plateforme, c'est la raffinerie, qui fait 2 km de long, et il y a quelque part, mais on sait pas très bien où, un petit vaisseau qui est le Nostromo qui fait 300 mètres de long. Oui. D'accord, ok. Alors si on tourne la page, et on va en page 2, là on voit la raffinerie. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette raffinerie? Alors ce sont, là ce qu'on a récupéré avec Pascal Bultel, ce sont des images qu'on ne voit pas dans le film, parce que dans le film, vous voyez bien que ce sont des images extrêmement noires, grises, on ne voit pas très bien. Là ce sont des images, des maquettes, etc., des photos qui ont été distribuées après, où on voit beaucoup mieux. Alors est-ce que vous avez des commentaires à faire sur des images comme celle-là? Qu'est-ce que c'est que les bulbes en dessous? Vous avez une idée ou... Alors donc, pour le coup, la raffinerie, c'est une des rares choses sur lesquelles on ne travaille pas en ce moment. Nous, le CNES, et nous, l'industrie spatiale. Les agences, on ne travaille pas dessus. Cela dit, dans le film, c'est une véritable justification. C'est que dans la littérature associée au film, donc, on précise que le retour sur Terre, en fait, il va prendre 16 mois quand même. Donc ça explique que tout le matériau est traité pendant le retour pour ne pas perdre de temps. Donc ça s'explique dans le film. Cela dit, nos problématiques spatiales en ce moment, on n'en est pas là. C'est pas encore tout à fait ça. Alors si on va en page 3, là, on le voit, votre Nostromo. On voit des maquettes du Nostromo et on voit le moment où le Nostromo se détache. Donc ça, c'est l'image du dessous. On voit le moment où le Nostromo est en train de partir vers l'astéroïde où se trouve Alien. Et ils vont... voilà. Et ce qu'on voit, évidemment, en haut, c'est la raffinerie. Oui. Alors, quel commentaire vous pouvez faire sur la forme de ce vaisseau? Ça vous paraît crédible? Ça a du sens? Alors, celui qui a dessiné le Nostromo, Ron Cobb, est un quasi autodidacte, pas totalement, mais il a pas été très loin dans les études. Il a un niveau bac, mais pas beaucoup plus haut, je crois. Mais c'est un autodidacte d'exception, et il a un flair tout à fait particulier. Et là où on voit qu'il a un flair tout à fait particulier, c'est qu'il a l'idée, il a la préscience qu'il faut plusieurs types de moteurs sur le remorqueur. Et il a complètement raison. Dans ce que l'on étudie, dans ce que l'on peut étudier sur les remorqueurs orbitaux, je veux dire sur les travaux actuels en ce moment, on se rend compte que capturer aujourd'hui une charge utile dans l'espace et la déplacer, il faut commencer par s'en rapprocher, ce qui va nécessiter un certain type de propulsion. Après, il faut la pousser pendant une très longue durée. Une propulsion fine, hein, pour s'en rapprocher. Alors, ou au contraire. Alors justement, une propulsion intermédiaire. Intermédiaire. D'accord. Après, il faut une propulsion qui va pousser peu, mais bien pendant longtemps. Et à certaines phases, on se rend compte qu'avoir de la beaucoup plus forte poussée, c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il faut des moteurs, idéalement, il faut des moteurs très différents. Et c'est exactement ce qu'on a sur le Nostromo. Alors montrez-les-nous, là, les moteurs différents. Alors, on voit qu'il y a au moins 3 types de moteurs. Où est-ce que vous voyez ça? On voit les grandes tuyères, les tuyères qui donc sont... Donc sur l'image en haut à droite. Hein. Voilà, sur le plan, on voit 3 très grandes tuyères. On en voit 2 plus petites en dessous. Et on en voit 2 différentes au-dessus. Donc les 3 grandes... Alors si on regarde l'image du dessous, hein, on voit qu'il y a effectivement les 3 grandes tuyères. Donc ça, ce sont les 3 qui sont allumées. Oui. Et puis entre les 3, il y en a 2 petites. En dessous. Et donc on peut imaginer que ce sont des moteurs un peu moins costauds, si je puis alors, dire. Alors on appellera ça dans le spatial des moteurs de manœuvre. Des moteurs de manœuvre, d'accord. Et alors si on regarde l'image d'en haut à gauche, on voit qu'il y a de la fumée là qui sort par des... Et là, ça a l'air d'être des rétrofusées. C'est-à-dire que quand le Nostromo se pose sur l'astéroïde, oui, on voit effectivement ces moteurs-là se mettre en marche et pousser. Alors, donc c'est des rétrofusées là. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est un des aspects du film là où par contre c'est beaucoup plus discutable. C'est que le Nostromo est un véhicule de taille généreuse avec une masse très importante et on ne le ferait pas se poser sur une planète. On le laisserait surtout en orbite. Ah oui, on n'irait pas le... Non, il est beaucoup trop lourd. Il est beaucoup trop lourd, d'accord. On va continuer avec vous, Franck Lehaut. Vous êtes notre médecin spécialiste des questions spatiales. Alors, on a évoqué un événement, un élément important dans Alien. C'est ce moment où les hommes et les femmes se réveillent. Et donc, c'est ce qu'on voit en page 4. Donc, si vous allez en page 4, c'est d'ailleurs de très belles images, ça, très, très douces. On est presque dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc, on voit ces espèces de cocons s'ouvrir avec ces hommes et ces femmes à l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? C'est d'hibernation, c'est quoi, ça? Eh bien, écoutez, ça m'évoque... ça me donne un certain scepticisme. Ah! Parce que quand les couvercles transparents s'ouvrent, on aperçoit... aucun câble. Enfin bon, il y a des électrodes qui sont peut-être effectivement qui fonctionnent en Wi-Fi peut-être, mais il y a une électrode quand même. Il y a une électrode, voilà, là, quand même. On les voit en blanc. Qui servent certainement à monitorer certains paramètres, notamment la fréquence cardiaque et le rythme cardiaque. On ne voit pas de perfusion. On ne voit pas de système de nutrition. Mais un ours, quand il hiberne, il n'a pas besoin de se nourrir. Oui, mais alors... Pendant des mois et des mois, il reste comme ça, dans sa grotte. On peut comparer les astronautes là, qui sont dans leur petite cabine d'hibernation, effectivement, à un patient qui serait dans le coma pendant de très longs mois. Un coma léger qui lui permettrait de respirer tout seul sans assistance ventilatoire. Donc c'est pas de l'hibernation ? Non, c'est pas de l'hibernation, hein, visiblement. Sinon, il faudrait suppléer aux fonctions vitales. On n'est pas encore capable de garder un être humain avec des battements cardiaques d'une fréquence à 10 par minute. Alors, si tu regardes les animaux, comment ça marche, l'hibernation? Il y a plusieurs types d'hibernation, mais la vraie hibernation, pour certains rongeurs, consiste à réduire considérablement leur fréquence cardiaque, leur fréquence ventilatoire. Et ils sont effectivement dans un état où le métabolisme est très, très peu important. Ils ont fait des réserves auparavant, ils ont pris du poids, ils ont mangé copieusement avant leur hibernation, et en quelque sorte leur organisme se met totalement dans un état de consommation métabolique complètement faible, extrêmement faible. Ce qu'on appelle le métabolisme, c'est le fonctionnement des cellules. Hein. Voilà, la consommation énergétique. Mon métabolisme est faible, c'est-à-dire que je respire, moi cellule, je respire peu, je consomme peu, produis peu de déchets, etc. Voilà. Et chez un patient, on peut comparer ces astronautes, et comme je vous disais, un patient qui serait dans un coma léger, si on fait rien, si on n'apporte aucun élément nutritif, on va avoir une fonte considérable de la masse musculaire très très très rapide. On va avoir tout un tas de conséquences immunologiques. C'est-à-dire que je peux tomber malade. Oui, tout à fait. Le système immunologique va être gravement altéré. On va avoir des perturbations de l'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire les ions et puis aussi tout ce qui concerne l'hydratation. Il est inconcevable de laisser des organismes humains comme ça sans nutrition parentérale. Et effectivement, comme ils dorment, la seule solution, ce serait de les nourrir avec des cathéters veineux, de leur apporter des protides, des lipides, des sucres, de l'eau, des électrolytes. Et puis il faudrait prendre. Là, il n'y en a pas. Et là, il n'y a rien. Où sont les tuyaux? Où sont les tuyaux? D'accord. Ensuite, il y a quand même plusieurs remarques qu'on pourrait faire. Celles qui viennent à l'esprit. Alors là, on est dans le futur, certainement avec des matelas extrêmement étudiés et des lits fluidisés, mais enfin quand même, a priori, quand on est immobile plusieurs mois dans une certaine position, on a tendance à former des escarres, c'est-à-dire sur les points de pression que sont le sacrum, les talons, les épaules, se produit au niveau au niveau cutané un arrêt de la circulation du fait de l'écrasement. Et si on ne change pas les individus de position régulièrement, eh bien on sait ce qu'il arrive, hein, c'est une nécrose des tissus cutanés et sous-cutanés. La nécrose, c'est-à-dire que les tissus meurent, les muscles, etc., les personnalités au long cours vont... Alités. Oui, c'est ça. C'est pas les personnalités. Pardon. Non, on est d'accord. C'est valable aussi pour les personnalités alitées. Oui, c'est ça. Je confirme. Parce que personne n'échappe à cette règle. On doit changer les gens de position régulièrement et puis éventuellement faire des massages des zones de pression pour éviter qu'elles se dégradent. Autre idée, vous savez, quand on est allongé de manière immobile, ne serait-ce que quelques jours, hein, chez une personne déjà un petit peu fragile, on a tout de suite des risques de thrombose veineuse, c'est-à-dire de développer une phlébite puis une embolie pulmonaire. Donc, c'est quoi exactement, rappelez-nous en un mot, je suis allongé longtemps et je peux avoir une thrombose. Exactement, c'est le même principe que lors des voyages prolongés qui dépassent 6 heures, notamment en avion, parce qu'on bouge un petit peu moins, mais c'est valable aussi pour d'autres modes de transport. Si on a une position immobile prolongée, il va y avoir une certaine stase sanguine qui peut favoriser la création d'un caillot. Stase sanguine, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la circulation se fait moins bien, ouais. Et on peut développer effectivement une thrombose veineuse, c'est-à-dire une phlébite, avec après le risque que cette phlébite se déplace au niveau pulmonaire et crée une embolie pulmonaire. Donc ça veut dire que ça, il faudrait prévenir, c'est-à-dire il faudrait que ces astronautes reçoivent des anticoagulants. Mais ensuite, même à supposer qu'on nourrisse ces astronautes avec des nutriments par voie veineuse, il faudrait en quelque sorte surveiller tous leurs paramètres biologiques, c'est-à-dire la fonction rénale, leur taux de sodium, de potassium, leurs protides, etc. Et même pouvoir les corriger, pouvoir agir si des modifications éventuelles apparaissaient. Donc, quand je vois ces images, ça m'apparaît bien, si vous voulez, sommaire, ce type d'installation pour préserver la vie d'astronautes et leur bonne santé au cours de nombreux mois de vie dans une sorte de stase comme celle-ci. Voilà, donc ça, c'est pas de l'hibernation, c'est plutôt de la stase. Hein. Alors, on a mis l'image en bas à gauche parce qu'on voit que quand ils se réveillent, ils sont pas en très grande forme. Là, il faut quand même quelques instants pour que... Oui, et je suis déjà surpris de voir qu'ils peuvent se tenir debout aussi rapidement. Hein. D'accord. Je vous rappelle que quand on revient de 6 mois dans la station spatiale, on se tient pas debout. Quand on peut pas se lever de... Alors, je sais pas combien de temps ils sont restés, hein, 6 mois, 1 mois, 16 mois, 2 ans. C'est pas possible de se mettre debout aussi rapidement que ce qu'ils font, hein. D'accord, sauf voilà. Que le problème dans la station spatiale, c'est qu'on est en apesanteur, alors que là, ils ne sont pas en apesanteur. C'est vrai, le parallèle n'est pas tout à fait correct, mais d'accord. Néanmoins, quand vous êtes alité, c'est très difficile, il vous faut des kinés, il vous faut une rééducation pour pouvoir refaire quelques pas au bout de plusieurs mois d'alitement. Donc, je dirais, ce système me paraît un petit peu léger. Soit il est très léger, soit il est très extrêmement perfectionné. Et alors là, je suis complètement dépassé. Ouais. D'accord, c'est ça. André Farran, donc juriste à l'Agence spatiale européenne. Donc il y a pas mal de sujets juridiques là qui sont abordés dans le film Alien, et notamment on a quand même cette espèce d'animal étrange, cette alien qui attaque. Des personnes à bord. Alors moi, je suis astronaute, je suis attaqué soit par un extraterrestre, soit par quelqu'un d'autre d'ailleurs de la station. Quel est le droit? Qui me juge? Il n'y a pas de tribunal dans l'espace. Comment ça se passe là? C'est prévu déjà, par exemple, sur la station spatiale internationale? C'est effectivement prévu sur la station spatiale internationale. C'est-à-dire que ce qui est prévu, c'est ce qui se passe s'il y a un extraterrestre qui m'attaque sur la station spatiale internationale. Je sais ce que je dois faire. Non, ce que j'ai le droit de faire, plutôt. Alors, les spécialistes du droit de l'espace des partenaires à la station spatiale ne parlent jamais d'aliens. D'accord. Alors, on parle peut-être des autres membres de l'équipage, mais certainement pas des aliens. Parce que, en fait. Ou alors, on parle des autres membres de l'équipage, mais pas en les appelant des aliens. Non, on les appelle les autres membres de l'équipe. Voilà, d'accord. Non, en fait, il y a deux côtés à votre question. C'est parce qu'il y a le côté du comportement, c'est-à-dire que le commandant, c'est le chef, on doit obéir à ses ordres, qu'il peut détruire des parties de la station pour des raisons de sécurité. Il peut avoir le droit de le faire. Il peut avoir le droit ou se débarrasser de charges utiles parce qu'elles sont dangereuses, si lui le juge comme commandant. Et puis, donc il y a un code de conduite à bord de la station spatiale qui a été développé, qui a été écrit par les partenaires de la station spatiale. C'est une négociation internationale. Et puis, il y a le côté droit pénal. Alors, si ce qu'on appelle l'auteur d'un crime allégué, son état de nationalité a le droit de le poursuivre au pénal. Donc, s'il y a un astronaute qui commet un crime, oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans la station spatiale internationale. Et qu'on le sait, parce oui. qu'encore faut-il le savoir. C'est-à-dire qu'il risque de manquer un astronaute à un moment donné, quand même. Ça, c'est vraiment un crime très grave, oui. D'accord. Mais, le droit criminel a été quand même négocié pendant des heures et des heures entre les partenaires, donc c'est un sujet très compliqué. Parce que, en fait, tous les astronautes sont des héros nationaux. Alors, si on met en accusation un astronaute, il faut que ça soit vraiment très grave. Et non seulement, il faut qu'on ait prévu dans le droit d'appliquer un code criminel à bord de la station. Un code, par exemple, les États-Unis appliquent à leurs nationaux le droit fédéral pénal et non pas le droit des États des États-Unis. Pour un astronaute américain, ce qui s'applique, c'est le droit fédéral américain. Fédéral américain, parce qu'on l'a proclamé comme étant applicable à la station spatiale. Parce qu'en fait, au-delà de 100 km, ce qu'on appelle l'espace extra-atmosphérique, ce n'est pas la souveraineté nationale qui est applicable, c'est la juridiction et le contrôle d'un État sur ses personnels et sur les modules ou les installations qu'il a fournies. Et donc sur un satellite français qui passe au-dessus des États-Unis, il n'est pas américain, il est français et c'est le droit français qui s'applique. Juridiction et contrôle des Français sur ce satellite, oui. Et donc, on a dit code de conduite et droit criminel. Alors, s'il se fait attaquer dans tous les droits criminels, il y a des défenses possibles, c'est-à-dire le droit de se défendre lorsqu'il y a, avec un degré de force proportionnel à la menace pour ma vie ou ma sécurité ou ma santé. Donc, s'il se fait attaquer par un astronaute, n'importe quel astronaute se fait attaquer par un autre membre de l'équipage ou un alien, ce qui est peu probable dans la station, il a le droit, comme sur Terre, d'utiliser un degré de force pour répondre à la menace telle qu'il la perçoit lui-même. Alors, c'est le droit normal pénal. C'est sa défense à présenter si jamais ils étaient mis en accusation parce que il avait tué quelqu'un, par exemple. Il dit, j'avais une menace, j'ai utilisé la force nécessaire pour me défendre. Et ça, c'est reconnu dans tous les droits du monde. Mais si je suis français, Thomas Pesquet, voilà, nationalité française, il va sur la Station Spatiale Internationale et il fait une grosse bêtise dans un module russe. Il est en Russie, là, donc c'est le droit russe qui s'applique ou c'est le droit français ? Dans la Station Spatiale, il y a eu deux accords internationaux. Il y a celui de 88, où il n'y avait pas encore les Russes, c'était la différence, l'Europe et le Japon, États-Unis et Canada, et là... On avait le droit, ceux qui pouvaient poursuivre, c'est l'état du module où s'était produit l'acte criminel ou l'état de nationalité. Il y avait les deux. Ah, les deux. Il y avait les deux. Quand sont arrivés les Russes, on a renégocié. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de, comment dire, d'incitatifs pour dire, tiens, on va laisser ça au droit du module et on n'a gardé que l'état de nationalité. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, alors, monsieur est de l'Agence spatiale européenne, donc il ne peut pas nous le dire tout à fait clairement non plus, mais que, grosso modo, les Américains n'avaient pas envie de se faire poursuivre en vertu du droit russe. Et vice versa. Et surtout vice versa parce que c'était accepté très rapidement par tout le monde le principe de ne retenir que la nationalité. D'accord, ne retenir que la nationalité. Donc on ne peut être poursuivi que par la justice de son pays. C'est ça que voilà. Ça veut dire. Sauf qu'il y a eu des cas où il y avait des ressortissants de pays qui n'étaient pas signataires de l'accord international sur la station. Il y a eu un Indonésien, il y a eu un Hongrois. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On applique le droit général du traité de 1987 sur l'espace extra-atmosphérique. 67. Sur l'espace extra-atmosphérique, qui prévoit que c'est la loi du module et la loi de la nationalité. D'accord. Donc, on revient, si c'était l'Indonésien qui était à bord de la station qui avait commis un acte criminel, il y aurait pu avoir quelques problèmes différents. Quand dans mon lit j'entends le score du Front National, je vis une fatalité alitée. Si dans mon lit je perds le ton de ma chanson, j'ai une perte de tonalité alitée. François Hollande a une angine et reste au lit, c'est une personnalité alitée. Des interventions, des questions, n'hésitez pas, je viens jusqu'à vous avec le micro et on discute ensemble. Une question pour le médecin. Avez-vous étudié comment fonctionnaient notamment certains yogis qui peuvent rester un certain temps sans manger, sans boire? Il y a eu aussi, en France, je crois, une personne qui est restée plusieurs années sans manger, sans boire, et ça a été vérifié par la gendarmerie notamment. Est-ce que vous avez pu étudier ce genre de cas, c'est-à-dire sur les possibilités éventuelles de l'humain qu'il n'a pas encore obtenu pour la plupart, mais qu'il est en puissance de pouvoir y arriver un jour? Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner des informations très pertinentes. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui soulève des questions très très intéressantes. Mais nous sommes en présence d'astronautes sélectionnés pour, c'est vrai, leur aptitude technique à certaines tâches à bord d'un vaisseau spatial, leur aptitude physique aussi. Et je pense que c'est pas encore pour tout de suite qu'on pourra les sélectionner pour leur capacité à mettre en quelque sorte leur organisme dans un état de ce que vous évoquez. Donc non, je suis désolé, je peux pas trop vous donner d'infos là-dessus, mais il me semble que c'est d'autres pistes qui devront être envisagées pour maintenir les astronautes dans un état de santé et les maintenir opérationnels. Avant que de leur demander de pouvoir être capable de faire ce genre de prouesse physico-mentale, en fait. Hein. Merci. Dans le film Alien, ils mangent. Hein. Ils ont des espèces de, je sais pas comment dire, de peau, eau, avec des, ça ressemble à des céréales. Enfin, ils mangent des espèces de choux. Oui, moi aussi, j'aurais une question pour le médecin. Pour les hibernations qu'on voit dans les films, ce serait quoi les avantages et inconvénients si ça se passait en apesanteur? Parce qu'à chaque fois, on les voit allongés sur un lit avec une fausse gravité. Et je me demandais si dans un cas d'apesanteur comme on fait maintenant, comme on connaît d'habitude, ce serait quoi les avantages et inconvénients? L'apesanteur, c'est surtout un gros inconvénient pour le corps humain qui se trouve désadapté à la pesanteur terrestre qui s'adapte. Alors, on va dire, bien se comprendre. L'apesanteur est un inconvénient. L'apesanteur avec un apostrophe. Oui. Voilà. Parce qu'il est désadapté à la alors, pesanteur. Alors, on va pouvoir en parler d'un pesanteur et oui, on va dire un pesanteur et d'accord. Apesanteur. D'accord. Alors, l'impesanteur, c'est plutôt un état qui est gravement délétère, enfin, une situation qui est gravement délétère pour le corps humain. Le gravement. Corps... Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Oui. Le corps humain va s'adapter à cette nouvelle condition qui est l'impesanteur et se désadapter à la pesanteur terrestre en oubliant qu'un jour il va devoir y retourner. Et si on fait rien pour le maintenir en condition d'y revenir un jour, eh bien, il en est vraiment désadapté et incapable de faire face au retour sur Terre. Je vous citerai qu'un exemple. Au point de vue de la décalcification osseuse, passer un an dans l'espace, c'est en moyenne passer 10 ans sur Terre. Hein, la fragilisation du squelette au niveau des os porteurs, que sont les cols du fémur, les vertèbres lombaires, les calcanéums, ça représente 10 années de décalcification. C'est comme si je vieillissais de 10 ans. Voilà, vous partez un an dans l'espace, vous passez 10 ans, vous vieillissez, votre squelette vieillit de 10 ans. Et c'est réversible ? C'est pas totalement réversible, on pense même que ça pourrait ne pas être réversible en ce qui concerne les os. Et ça, c'est une valeur moyenne avec de grandes variations individuelles, puisqu'on a déjà vu des décalcifications au niveau des têtes fémorales de l'ordre de 20% en 6 mois. Mais chez des astronautes. Chez certains astronautes. Ah oui, d'accord. Hein. Donc la moyenne, c'est de 1,5% par mois. Hein, ce qui représente 9% à peu près en 6 mois, mais ça peut aller jusqu'à 20%. Hein. Donc on parle aussi de la fonte musculaire, on parle aussi des altérations du système immunitaire. Ça c'est réversible, hein, je pourrais faire du muscle. Exactement, on récupère à peu près sa musculature dans un espace de 2 mois après le retour sur Terre. En revanche, il y a des choses qu'on va pas récupérer, qui vont poser des problèmes. On s'aperçoit qu'il y a à peu près 40% au minimum des astronautes qui vont avoir une dégradation irréversible de la vision, de l'acuité visuelle. Dégradation irréversible de l'acuité visuelle. De l'acuité visuelle, ils vont perdre des points d'acuité visuelle, ceci étant dû au phénomène d'hyperpression intracrânienne qui va pousser en arrière sur les globes oculaires et produire l'effet d'une ce qu'on appelle la rétinopathie hypertensive, c'est-à-dire comme si sur Terre on avait de l'hypertension oculaire qui retentisse et qui abîme notre rétine. Parce que l'impesanteur fait que mon sang, au lieu d'être dans mes pieds et dans mes jambes, il serait parti dans tout le corps et en particulier dans la tête. D'ailleurs, la tête gonfle et donc il y a de la pression supplémentaire dans les yeux. Exactement, il y a de la pression supplémentaire dans les yeux, au niveau de la tête, ce qui fait perdre un petit peu des capacités cognitives, hein, puisque quand on a la tête pleine, mettez-vous à l'envers et essayez de raisonner, de réfléchir sur un problème mathématique, vous allez voir si vous êtes aussi efficient. On raisonne moins bien, ça c'est vrai, effectivement, dans l'espace. Un astronaute me disait, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je l'ai entendu de sa bouche, qu'il estimait que dans l'espace on perdait la moitié de ses capacités cognitives. Ah, ça fait beaucoup, ça. Et qu'en sortie extravéhiculaire on en perdait encore la moitié. Enfin, je l'ai entendu de sa bouche. Et vous savez qu'en sortie extravéhiculaire on est extrêmement guidé par le sol qui vous dit quelle tâche faire au fur et à mesure. Alors, je sais pas si cette estimation est un petit peu exagérée, mais enfin c'est vrai qu'il existe un certain degré d'hypertension intracrânienne qui favorise pas la pérennité des capacités cognitives. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'impesanteur, c'est un contraste total entre un état merveilleux, parce que nous, on voit les gens dans l'Airbus 0G qui crient de joie, qui battent des mains. Il faut rappeler ce que c'est, l'Airbus 0G. Alors, l'Airbus 0G, c'est un avion qui est basé sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui reproduit par une manœuvre de vol particulière qu'on appelle la manœuvre parabolique, des courtes périodes d'apesanteur qui durent 22 secondes. Pour les vols scientifiques, on répète ça 31 fois. Et pour les vols ouverts au public désormais, on le répète 15 fois. Donc en quelque sorte, on met l'avion en chute et se crée à l'intérieur, puisque tous les corps à l'intérieur chutent de la même façon, un état d'impesanteur. Donc on est dans l'avion, on est à 700 ou 800 km/h, oui. On fait une espèce de cloche, oui. On a l'impression de tomber avec l'avion et on a reproduit comme ça 22 secondes oui. D'impesanteur voilà. Réel, enfin c'est la microgravité. C'est réel, c'est surréel. Et voilà. Et donc il y a un réel. Donc vous êtes Navigant, oui, et instructeur, pour les personnes qui vont participer à ces vols paraboliques. Voilà, et je voudrais vraiment insister sur le contraste énorme qu'il y a entre le plaisir de se retrouver en apesanteur, qui est qu'une jubilation incroyable et indescriptible, et la dangerosité, parce qu'on ne peut pas trouver d'autres mots, la dangerosité pour le corps humain de cet état-là. On pourra revenir là-dessus en détail. C'est pas notre milieu, on a été façonné par la gravité depuis notre naissance et peut-être même certainement avant, et cet état va dégrader notre corps dans beaucoup de façons. Donc certaines sont un petit peu moins connues, comme ce trouble visuel dont je vous parlais. C'est quelque chose de très préoccupant. C'est pour ça que l'avenir probablement des voyages spatiaux au long cours consiste, pour protéger le corps humain, à recréer une gravité artificielle à l'intérieur du vaisseau, c'est-à-dire en faisant faire une rotation de tout ou partie du vaisseau en permanence ou momentanément, pour ne pas désadapter complètement les astronautes à un état de pesanteur terrestre. Effectivement, les astronautes dans Alien sont pas en état d'impesanteur, hein. Il y a une pesanteur. Et on ne sait pas comment ça se produit d'ailleurs, parce que le vaisseau n'a pas l'air de tourner sur lui-même. Pascal Bultel, sur cette pesanteur qu'on remarque à bord du Nostromo, mais qui pourtant n'a pas de... On ne sait pas d'où elle vient, la pesanteur du Nostromo. Le film est particulièrement fort pour identifier et commencer à parler de nombreux thèmes qui étaient extrêmement originaux à l'époque. Par contre, c'est là qu'on voit la différence fondamentale avec 2001, où 2001, on cherche à faire dans le vrai et dans le précis, en étant un peu plus pauvre sur les thèmes vraiment futuristes. Alien, c'est différent. On va chercher des thèmes... très long terme. Par contre, pour ce qui est de la gravité artificielle, eh bien, le film n'est pas réaliste du tout. D'accord. Encore une intervention. Merci. Alors, moi, j'ai une question pour faire le lien entre la partie médicale et la partie juridique. Puisque c'est un état de dangerosité, puisque le corps est exposé à des dommages irréversibles, est-ce que les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là peuvent en tenir gré à leur employeur d'une manière ou d'une autre? Le droit du travail dans l'espace, on en parle peu quand même. Hein. C'est important. La CGT te le dira, on me dit ici. J'ai entendu. Non, mais en fait, vous posez la question du droit du travail applicable. Les astronautes européens sont tous employés de l'Agence spatiale européenne, c'est-à-dire donc des fonctionnaires internationaux qui ont un régime de droit propre à l'Agence spatiale européenne. Ce qui fait qu'ils ont un contrat de travail comme fonctionnaire international avec des clauses spécifiques pour leur travail spécifique d'astronaute. Et donc, il y a des primes lorsqu'ils volent et des encouragements. Naturellement, donc il y a des compensations. Cela dit, c'est de compensations monétaires pour le type de risque qui est pris lorsqu'ils vont en mission. Mais je ne crois pas qu'il y a de... compensation pour dommages à long terme à la personne, si je peux dire. On a une bonne mutuelle à l'ESA ? Oui, mais elle est propre à l'ESA en plus. D'accord. Mais elle est bonne, d'accord. Mais ça fait partie de leur contrat. 90%. Mais ça fait partie de leur contrat. C'est quand même écrit dedans qu'ils vont être exposés à des dommages potentiellement irréversibles ? En fait, avant de partir dans une mission, lorsqu'ils sont astronautes, on les avertit donc des risques. Il y a des. Et. Ils doivent confirmer par écrit qu'ils sont d'accord pour partir. Donc, ils connaissent les risques, ils acceptent les risques. En fait, dans la mesure où, en droit, on peut accepter tous les risques. Bon, cela dit, c'est un petit milieu. Je pense que si on regardait du côté américain, ce serait plus intéressant parce que le droit applicable est plus vaste. Il y a plus d'astronautes et c'est le droit américain qui s'applique. Là, il y a sans doute de la jurisprudence. En Europe, c'est un peu plus limité, en fait. Monsieur Léo, vous vouliez... ajouter, non ? D'accord, c'était une question. Je pense que les astronautes sont tout à fait prévenus et au courant des risques qu'ils encourent, puisque notamment en matière d'irradiation, ils sont tout à fait. Il y a des normes très spécifiques. Ils sont surveillés tout au long de leur carrière, et on sait très bien que on leur fait. Ils savent qu'ils courent un risque de majorer, de développer une tumeur. Fatale, que ce risque est d'environ de 5% sur l'ensemble de leur carrière, plutôt 3% aux États-Unis, mais ça va évoluer. Donc je pense que tous ces paramètres-là, ils sont tout à fait intégrés par les astronautes. Bonjour. Je voulais savoir, vous nous aviez dit que le Nostromo ne pouvait pas atterrir sur la Terre. Mais est-ce que c'est capable, enfin, est-ce qu'il peut décoller déjà de la Terre? Alors, Est-ce que le Nostromo pourrait décoller de la Terre? Non, c'est un des autant le schéma de transport du film qui dit c'est bien qui dit clairement avoir un remorqueur, c'est plus efficace pour le transfert dans l'espace. Autant ça on sait maintenant que c'est extrêmement bien vu, que ça a été dit très en avance, et je peux vous confirmer parce que j'ai travaillé pendant 5 ans là-dessus que c'est très bien vu. Autant il est clair que les véhicules de remorquage, qui sont extrêmement performants de par leur propulsion, qui de plus en plus souvent est une propulsion électrique dans les projets. Donc pas comme dans Alien. Hein. Pas comme dans Alien. Autant les remorqueurs ont une propulsion extrêmement performante, autant celle-ci est très endurante, mais elle a une très faible poussée. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas du tout faite, en fait, bizarrement. Elle est très bien faite pour accélérer doucement, mais pendant extrêmement longtemps. Donc on atteint des vitesses très élevées, mais on pousse très peu fort. Ce qui fait que c'est pas du tout fait pour décoller et atterrir. Mais c'est parfait pour aller d'une orbite à une autre. Donc le Nostromo, pour se retrouver dans l'espace, il a fallu qu'il soit envoyé avec un lanceur quand même. Et c'est ULA, c'est United Launch Alliance, donc c'est Lockheed Martin et Boeing, ont annoncé au Salon du Bourget qu'ils travaillaient sur un schéma. La fusée envoie la charge utile en orbite. Donc la charge utile, c'est le satellite, par exemple. C'est un satellite, oui. Et le remorqueur prend le satellite et le déplace. Et très peu de temps après... Le déplace pour le mettre sur son orbite finale. Exactement, l'emmène à destination, vers l'orbite finale. Aujourd'hui, c'est le satellite qui doit se dérouiller lui-même. Il a un moteur spécifique, oui, du carburant, oui, etc. Aujourd'hui, c'est comme ça. Par contre, on sait que si un jour, on veut déplacer des charges plus élevées, on va plus vers des véhicules qui ressembleront plus à des remorqueurs que plutôt des, entre guillemets, vaisseaux. Le remorqueur est un véhicule qui est vraiment en devenir et qui est étudié en Russie, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine. En très peu de temps, le nombre de projets de remorqueurs a explosé littéralement. Nostromo, t'es trop lourd, tu n'aurais pas dû te poser. T'es trop gros, il y a une bourde, les scénaristes ont osé. T'aurais dû, en orbite, passer le plus clair de ton temps. Les astronautes deviennent des frites, pour le monstre, c'est pas étonnant. J'en reviens à la propulsion du Nostromo. Apparemment, enfin, on peut imaginer que c'est la propulsion nucléaire qui est utilisée sur le Nostromo. Est-ce que cette propulsion est envisagée à moyen terme? Elle a déjà été étudiée dans le passé et elle n'a pas été utilisée. Je parle de la propulsion, pas de la génération d'énergie à bord de satellites. Ça a déjà été fait. Et comment on peut envisager ça et à quel horizon et sous quelles conditions on rejoint les problèmes juridiques? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à l'utilisation des matériaux nucléaires dans l'espace. Parce que c'est probablement la propulsion qu'on peut imaginer à moyen terme pour pouvoir aller beaucoup plus loin qu'on le fait aujourd'hui avec la propulsion chimique ou plasmique. Alors, Pascal Bultel, qu'est-ce qui vous fait dire d'abord que le Nostromo, il utilise la propulsion nucléaire? Alors, dans la documentation, Ron Cobb, qui dessine le vaisseau, a voulu être extrêmement précis. Donc, non seulement il a fait une fiche technique pas totalement complète, mais quand même, il a fait un effort sur la fiche technique du véhicule, sur sa description, mais il a aussi raconté son histoire. Il a voulu raconter l'histoire du vaisseau et donner moult détails. Alors, ce qui est très original dans le film, et là, c'est très bien vu, c'est une préscience. Ron Cobb précise que le Nostromo a un générateur à fusion nucléaire pour générer de l'électricité. Et ça, c'est bien vu parce que la propulsion chimique est totalement incapable d'avoir l'endurance de la propulsion avancée. La propulsion chimique, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Hein. Oui. Une Ariane, c'est oxygène liquide, voilà. Hydrogène liquide. Ça, c'est chimique. Voilà, ça produit une flamme très intense, mais pas forcément très longtemps. Il y a une combustion, c'est exactement ça. Combustion. Donc la flamme dure pas très longtemps. Donc le pouvoir propulsif, il est quand même un peu limité. Alors la propulsion nucléaire, il y en a deux types. Il faut vraiment séparer la source d'énergie du type de propulsion. Alors, dans 2001, dont on a parlé l'année dernière, c'était de la propulsion nucléaire thermique. C'est-à-dire qu'on a, on envoie de l'hydrogène dans un cœur nucléaire qui, en fin de compte, est un morceau de gruyère. On fait passer de l'hydrogène au cœur de la matière fissile et la radioactivité chauffe l'hydrogène et l'expulse. Donc on va dire que c'est une sorte d'hybride nucléaire-chimique. Ce qui est très original, et là c'est bien vu pour le coup dans Alien, c'est qu'il va utiliser l'énergie électrique produite par le Nostromo, et le Nostromo a un générateur à fusion nucléaire. Alors là c'est bien vu, parce que si un jour on veut vraiment aller vite, et si un jour on veut vraiment aller très très loin, bah, il faudra passer dans tous les cas par un générateur qui produira de l'électricité. Que le nucléaire... ça veut dire qu'on a un moteur nucléaire donc électrique, donc ma centrale nucléaire, mon réacteur nucléaire à bord, il est capable de produire de l'électricité, mais tout qu'est-ce qui pousse ? Parce que l'électricité, elle ne pousse pas. Qu'est-ce qui pousse ? Il dit quand même que c'est un générateur électrique. Alors, là où le film rejoint un petit peu la réalité, c'est qu'il précise, à l'époque du film, dans les années 70, on voulait atteindre la fusion nucléaire avec un bombardement par laser d'une toute petite cible. Et à l'heure actuelle, ce dispositif de fusion nucléaire par bombardement par laser, eh ben, on est en train de le fabriquer à 30 km d'ici. C'est le générateur soleil qui est fabriqué à Saclay. Donc en fin de compte, ce qui est décrit dans le film en 1978, on est en train de le construire à 30 km de Paris et ce sera opérationnel dans pas très longtemps. Donc c'est très bien vu. Il suggère... Vous voulez dire qu'à Saclay, on est en train d'essayer de faire de la fusion nucléaire avec des lasers ? Oui, on est en train de produire un dispositif expérimental pour atteindre des températures extrêmement élevées, ce qui est le principe d'un générateur à fusion nucléaire, ce qui est exactement ce qui est décrit dans le film. Ron Cobb suggère, mais il n'en dit pas plus, c'est pas très clair, ce que c'est de la propulsion électrique. Alors, la propulsion électrique, nucléo-électrique. Voilà, c'est du nucléo-électrique. D'accord. Alors, c'est pour quand ? La question, c'est pour quand ? Quand est-ce qu'on... Parce qu'il y a eu des études, quand même, dans les années, je crois, 50. Alors, oui, c'est très vieux, la propulsion électrique. Aux États-Unis. Alors les tout premiers moteurs électriques, c'est la fin des années 60, début des années... Électrique ou nucléo-électrique ? Électrique, les vrais moteurs électriques. Et c'était très en avance. C'est que ceux qui ont testé ça, les premiers, ce sont les Russes. Et ils ont fait les premiers, un petit générateur nucléaire alimentant... Un moteur, c'était un moteur plasmique, donc très grande première mondiale. Ça, c'est tout début des années 70. Pendant très longtemps, on a piétiné. Donc parce j'ai un réacteur nucléaire qui va produire de l'électricité, qui va permettre d'alimenter mon moteur électrique. D'alimenter un moteur électrique. Et électrique, ça veut dire qu'il est capable de cracher, d'utiliser de la matière, de la cracher à très grande vitesse, mais très peu de matière. Quoi. Oui, donc, on retrouve, c'est de l'échange de matière. On a toujours un carburant, mais un carburant qui ne brûle pas. C'est un carburant qui est sensible au champ magnétique. Et en gros, le générateur électrique, que ce soit des panneaux solaires ou du nucléaire, il sert à créer un champ électrique dans lequel on va faire passer un carburant en toute petite quantité, mais un carburant qui est sensible au champ magnétique, c'est-à-dire du xénon, de l'argon. Donc on accélère des particules, hein, dans le moteur électrique, on accélère des particules qu'on éjecte, et c'est ça qui produit la poussée. C'est exactement ça. On pousse très peu, mais on pousse, je dirais, très bien, c'est-à-dire pendant très longtemps. Et c'est ça l'énorme différence avec la propulsion chimique des fusées. Allez-y, monsieur. Merci. Est-ce qu'on a une idée des performances qu'on pourrait atteindre justement avec un Nostromo envisageable, un Nostromo qu'on pourrait imaginer avec les technologies quasiment d'aujourd'hui, en poussant comme ça, disons, allez, prenons une accélération d'une Porsche, un G, et on pousse pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Quelle vitesse on peut atteindre au bout de ce temps d'accélération ? Est-ce qu'on arrive à des vitesses qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on a aujourd'hui ? Et qui devient non négligeable par rapport à celle de la lumière. Alors, concernant la vitesse de la lumière, c'est comme dans le film pour le 22e siècle. Malheureusement, ce n'est pas pour ce soir. Même si on va progresser, ce qui se passe en ce moment, c'est que qui dit propulsion électrique dit produire de l'électricité. Or, produire de l'électricité, ça a été compliqué pendant très longtemps dans l'espace. Ça a été vraiment très difficile. Mais maintenant que l'on a des panneaux solaires très grands, avec de bien meilleurs rendements, l'énergie que l'on n'avait pas il y a une trentaine d'années, maintenant on l'a. on l'a. Ce qui veut dire que les moteurs électriques que l'on peut produire aujourd'hui sont 20 fois plus performants que ceux de l'époque du film. Donc gagner un facteur 20, c'est quand même pas banal, et ça va continuer. Donc ça va se calmer un petit peu, mais on va encore gagner un facteur 3 dans les 50 prochaines années, je dirais. Donc quelle charge utile ? Peut-être que dans une vingtaine, même moins de 20 ans, une quinzaine d'années, on peut envisager de tracter, pourquoi pas, en prenant un peu son temps, parce que c'est un petit peu long, mais on y arrive, pourquoi pas tracter une 10, 15 tonnes vers Mars. 10, 15 tonnes. Alors qu'aujourd'hui, si on prend une mission tout à fait réussie, comme la mission Mars Express de l'ESA, la charge utile, c'est 2 tonnes. Et c'est une mission qui est une grande réussite. 2 tonnes. On peut envisager de faire x5, x7 dans quelques années. Avec un moteur électrique. Voilà. Voilà, qu'on n'avait pas avec Curiosity. Juste avant de revenir à vos questions, Franck Lehaut, vous disiez que voilà, que la stase et tout ça, c'est pas pour demain, hein, évidemment, qu'il y a des problèmes aussi avec l'impesanteur. On voit à bord de la Station Spatiale Internationale des gens qui font du sport. Hein. Ils ont des espèces de bretelles qui les fixent au sol et ils courent, etc. Et à votre place, l'année dernière ou il y a 2 ans, il y avait, je crois, aussi un médecin qui a dit « Est-ce que ça fait vraiment du bien ? Est-ce que ça aide vraiment les os, les muscles ? C'est pas si sûr. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce qu'on a intérêt à faire du sport quand on est dans la Station Spatiale Internationale ? Alors, les chiffres qu'on peut donner, comme par exemple 15% de perte de masse musculaire sur les muscles qui sont antigravitiques, donc les muscles porteurs, ça c'est considérant l'exercice qui est fait. Et là encore, il y a des très grandes variations individuelles. Il y a certaines études récentes qui ont montré que certains astronautes faisant particulièrement beaucoup de sport arrivaient à peu près à conserver leur masse musculaire à condition d'une alimentation vraiment qui soit suffisante en termes de calories et de nutriments. Mais c'est des astronautes, ça reste assez marginal. Donc il faut manger davantage que ce qu'il y a aujourd'hui prévu. Il faut manger davantage, sauf que dans l'espace, on n'a pas faim pour tout un tas de raisons. Ah, l'absorption des nutriments est moins bonne et donc on mange pas assez en pratique. Hein, on n'absorbe pas la ration calorique qui est celle de quelqu'un sur Terre qui aurait une très grosse activité. Je crois que pour l'homme, c'est plus de 3000 calories par jour qu'un astronaute masculin devrait absorber. Voilà, donc c'est tout ce qu'on donne comme chiffre, comme par exemple quand je vous disais que la décalcification en moyenne sur les os porteurs comme le col du fémur, les vertèbres lombaires, les calcanéums, c'était de 1,5%, c'est avec l'exercice musculaire. Si on n'en faisait pas, ce serait pire. Ce serait comme un malade qui est alité pendant plusieurs mois et qui ne fait absolument pas d'exercice physique. Voilà, donc oui, il faut faire du sport. Non, pour l'instant, c'est insuffisant. C'est des contre-mesures qui sont pas suffisantes. Alors le temps en plus alloué au sport, c'est 2h30 par jour dans la station spatiale. Quand même. Mais c'est un temps qui comprend le fait d'enfiler sa tenue de sport, de brancher, de régler la machine avec ses propres paramètres, de s'installer sur la machine, de la faire démarrer, de changer de machine, de prendre sa douche, de se rhabiller. Hein, donc en pratique, c'est certainement pas 2h30 de sport par jour qui sont faits, mais plutôt 45 minutes de sport. Un petit peu de aérobie, c'est-à-dire sur le tapis roulant ou le vélo, et puis du sport anaérobie aussi avec cette machine qui est l'arrêt là, qui permet de faire des exercices de musculation extrêmement variés. Alors ça se compte pas en temps, ça se compte plutôt en gestes à chaque fois, en nombre de gestes effectués. Voilà, c'est très difficile de faire 2h30 de sport par jour. En fait, pour maintenir un astronaute en bonne santé, on a estimé qu'il faudrait 4 heures de marche par jour, l'équivalent sur le squelette et les muscles de 4 heures de marche par jour. Et justement, de la station spatiale, on vole, on marche pas, c'est ballot. C'est ballot, et puis on a besoin de temps pour les activités scientifiques et autres. Hein. D'autres interventions peut-être ? Petite question, pas grand-chose, mais ils fument pas mal quand même là-dedans aussi. Et donc je me demandais par rapport au mélange oxygène, l'alimentation, tout ça en oxygène, comment c'est prévu ? Regardez la dernière page, l'avant-dernière page de votre petit livret là, c'est la page numéro 7, je crois. Voilà, ça clope, hein. Ça clope à fond. Ouais. Alors je crois que. Alors Franck Lehaut. Je crois qu'il y a vraiment une terrible hantise dans le milieu spatial, c'est celle de l'incendie. Hein. Alors évidemment, on parle pas du fait que si des gens fument, il faudrait que les systèmes de recyclage de l'atmosphère soient un petit peu réglés différemment, améliorés pour éliminer les particules rejetées et le CO2, etc. Mais il y a une grosse hantise dans le milieu spatial, c'est celui de l'incendie, à tel point qu'il y a même un organisme, peut-être vous savez ça mieux que moi, international, dont la fonction c'est de questionner et de réfléchir, de trouver des solutions pour combattre les incendies dans l'espace. Et pourquoi est-ce que l'incendie dans l'espace se pose davantage problème ? Ben parce qu'il est plus difficile à combattre, son comportement est différent. Et pas plus tard qu'il y a, je crois que c'était en novembre, début novembre, on a fait lors d'un vol scientifique dans l'Airbus 0G une expérience où on étudiait un incendie en apesanteur justement. Donc c'était des expériences avec double confinement qui consistaient à propager un feu sur des câbles électriques. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui se posent de grosses questions là-dessus. Donc déjà, actuellement, c'est non. On fume pas dans une station spatiale parce que il y a d'abord un risque d'incendie important. Deuxièmement, est-ce que c'est pas qu'on a une atmosphère qui est assez riche en oxygène, donc l'atmosphère qui est dans une station spatiale, c'est l'atmosphère identique. C'est avec de l'azote. Voilà, on n'est plus dans Apollo 1. Hein, c'est d'accord, oui, effectivement. L'accident d'Apollo 1, c'était une atmosphère trop riche en oxygène et on a vu les conséquences. Voilà. Sans parler que l'oxygène est un oxydant et que ce serait un petit peu délétère pour nos organismes. Donc c'est pas ça le problème. Est-ce que le problème c'est pas en fait que les flammes ne montent pas, si je me trompe pas, et que les fumées restent sur place, donc on ne sent pas, parce que comme on est elles n'ont pas tendance à monter, il n'y a pas de convection. C'est ça, donc mais les fumées restent sur place, donc on les détecte mal, etc. Alors il y a quand même il n'y a pas de convection, mais dans une station spatiale, vous avez des ventilateurs pour brasser l'air. Hein. Sinon, la nuit, par exemple, quand un astronaute dort, il s'étoufferait dans son gaz carbonique s'il n'y avait pas de ce flux d'air. Ah oui, d'accord. Donc la détection des fumées, elle est aussi rendue possible par ça. Je voudrais juste ajouter que pour connaître quelques astronautes, le profil des astronautes, c'est quand même pas d'être des fumeurs. Hein? Donc, ça tombe bien. A priori, j'en connais pas beaucoup qui fument en cachette après leur entraînement en piscine ou enfin, vous voyez. Donc là, c'est voilà. Donc, je pense. En revanche, quelques buveurs de vodka, je crois. Oui. Alors, officieusement, bien sûr, hein, puisque on a, en théorie, on n'a pas le droit d'emmener des boissons alcoolisées, mais en pratique, ça se fait. Mon patron, Jean-François Clairvoy, avait emmené dans qui est astronaute, hein, qui voilà, est allé trois fois dans l'espace, voilà, qui est venu l'année dernière. Voilà, au cours de sa deuxième mission, qui était une mission sur Mir, il avait emmené une bouteille de cognac. Et puis, pour parler de la nourriture, des plats gastronomiques. Mais oui. Et puis voilà, il avait partagé tout ça. Oui, j'entendais parler de projets pour lancer, par exemple, vous avez dit, un engin d'une dizaine de tonnes vers Mars en utilisant un système donc nucléaire et donc électrique derrière. On gagnerait en performance sur le poids, mais étant donné qu'il s'agit de forces relativement faibles, ça serait au détriment de la durée du vol, logiquement. Ensuite, j'avais une autre question. Si on veut utiliser des systèmes de ce genre-là électriques, je m'interrogeais sur l'utilisation des panneaux solaires, parce que ce genre de technique, c'est surtout destiné à des voyages très lointains. Or, les panneaux solaires, ça va quand on est sur Terre ou jusqu'à Mars à la rigueur, mais si on dépasse Saturne, ça commence à devenir assez faible. Donc même avec des panneaux ayant très bon rendement, on finirait par plus avoir grand-chose. Et s'il s'agit d'un vol interstellaire, alors là, on n'a plus pratiquement plus rien. Et alors, dernière question qui n'a pas vraiment de rapport avec ça, je me souviens d'avoir entendu parler dans les années 70 d'une autre approche de l'énergie nucléaire pour la propulsion. Ça s'appelait, je crois, le projet Orion. Et il s'agissait d'un truc, ça va faire bondir tout le monde, je pense, où, en gros, le vaisseau larguait derrière lui des bombes atomiques dont les explosions successives le propulsaient vers l'avant. Alors, je me demande s'il y a encore des gens qui soutiennent ce genre de projet ou si tout le monde considère que c'est une pièce de musée. Alors, concernant la mission martienne, donc, ce que j'ai cité, c'est un exemple de performance. Il n'y a pas de projet de mission de ce type de tonnage, une dizaine de tonnes vers Mars. Il n'y a pas d'études en Europe à l'heure actuelle. Pas encore. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les Américains ont annoncé que l'ISS 2, la remplaçante, serait probablement de l'autre côté de la Lune. Elle serait sur le point de Lagrange numéro 2. Donc, elle serait de l'autre côté de la Lune. Donc, elle serait beaucoup plus loin. Et dans les projets en cours aux États-Unis, donc il y a des remorqueurs, au moins deux, des remorqueurs, notamment à propulsion électrique, pour emmener du ravitaillement, de la nourriture et tout ce qui va avec, des équipements de remplacement, des remorqueurs électriques pour aller donc emmener du matériel de derrière la Lune. Donc ça c'est un exemple de mission qui est identifié parce qu'il y a des travaux. En ce qui concerne donc les missions lointaines, bah bien sûr les panneaux solaires, votre exemple est parfait. Jusqu'à Saturne, oui. Alors rappelez-nous l'exemple. Alors donc les panneaux solaires peuvent capter de la lumière jusqu'à Saturne, mais c'est l'extrême limite. On va dire le flux solaire se calme très très sérieusement après Mars. Il y en a encore un peu à Jupiter, mais pas énormément. Et Saturne, c'est la limite. Donc pour les voyages interstellaires, bien sûr, on n'en parle même pas. C'est le nucléaire. Votre référence, donc le projet Orion, vous avez entièrement raison. Hein, donc le projet Orion, c'est un des projets américains qui a été le plus étudié. Donc c'était un projet qui consistait à envoyer des petites bombes nucléaires qui venaient propulser le vaisseau. Les petites bombes nucléaires n'ont pas été testées, mais cela dit, il y a quand même eu des travaux assez poussés pour voir si le principe était valide. Et a priori, il l'est. Il a un seul problème, c'est qu'il est quand même excessivement polluant. Mais ça marcherait. quand même. On a le droit de faire exploser des bombes atomiques comme ça dans l'espace, André Farran? La réponse est non. En fait, l'accord de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique. C'est la constitution du droit de l'espace. Bon. 67. Mais après, il y a eu plusieurs accords et conventions des Nations Unies qui ont plutôt ciblé des notions comme la responsabilité qui étaient déjà dans l'accord de 67. Donc il y a des choses plus détaillées par la suite. Donc les États signataires de cet accord, c'est-à-dire tout le monde qui fait des activités spatiales, se sont engagés à ne pas polluer l'espace extra-atmosphérique. Donc si... Et quand on dit polluer, c'est-à-dire que les normes applicables en termes de débris, en termes de politique, changent au fur et à mesure que la technique s'améliore. Donc, comment doit-on évaluer ce qui est aujourd'hui, ce qui était en 79 quelque chose de polluant, aujourd'hui, c'est sans doute beaucoup plus polluant selon les normes actuelles. Donc, les normes continuent à évoluer et donc les États ont des politiques pour complètement éviter la pollution de l'espace extra-atmosphérique. Je voudrais qu'on reste une seconde avec vous, André Farran, parce que on a bien compris, on le sait dès le début. Donc, le Nostromo, c'est un véhicule de remorquage qui remorque dans cette espèce d'énorme usine, cette énorme raffinerie. Ça suppose qu'on, c'est du fer d'ailleurs, hein, c'est ore, O-R-E, donc ouais. c'est le minerai de fer en anglais. Ça signifie qu'on est allé chercher le fer ailleurs. On ne sait pas si c'est sur une planète, sur un astéroïde ou ailleurs. Le fer ailleurs, exactement. Exactement. La personnalité et le fer ailleurs, absolument. Et donc, qu'on s'est accaparé finalement des ressources spatiales. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette question ? Et je crois qu'on est en pleine actualité parce que Barack Obama vient de faire passer une loi aux États-Unis concernant les ressources spatiales, justement. Oui. Justement, puisque j'avais fait une photocopie du titre, donc il l'a signé le 25 novembre, il y a quelques jours seulement, et pour la première fois, alors parce que encore cet accord de 1967 prévoit qu'un État ne peut s'approprier ou exercer sa souveraineté dans l'espace extra-atmosphérique. Donc théoriquement, non-appropriation, c'est le principe de base du droit de l'espace. La non-appropriation. Oui. Alors, non-appropriation, parce qu'à une certaine époque, quand on découvrait des nouveaux territoires, on les occupait et ça devenait le pays qu'on possédait. Aujourd'hui, si c'était comme ça, la Lune serait américaine. Voilà. Mais justement, c'est l'inverse à cause de cet accord de 67. Aujourd'hui, aucun État ne peut revendiquer un titre de propriété sur l'espace extra-atmosphérique. Alors, on en arrive à l'exploitation des ressources. Et pour la première fois, donc une loi américaine du 25 novembre prévoit que si des Américains réussissent à ramener sur Terre, à exploiter, à ramener des ressources, ils en sont les propriétaires. Alors, ceci est vraiment une sorte de pétard. Ça va naturellement provoquer un raz-de-marée en sens dans, donc aux Nations Unies, on va discuter comment concilier non-appropriation, qui est le principe de base, avec l'exploitation des ressources et la propriété des individus sur ces ressources. Dit comme ça, moi je ne vois pas comment c'est compatible. Non, mais les Américains, avant d'adopter leur loi, ils ont discuté longuement, donc il y a beaucoup de travaux préparatoires de la loi. Ils ont plein d'arguments pour dire que c'est compatible. On va trouver. Donc il faudra ramener cette discussion au plan international. Ce que je pense, c'est que quand on dit non-appropriation, c'est au sens de la colonisation de l'époque du fin 19e, où on disait on occupe un territoire, ça devient français parce qu'on a occupé une colonie en Afrique. Bon, donc non-appropriation nationale d'un territoire qui devient à ce moment-là. Alors, on ne peut pas revendiquer, parce que les Américains sont allés sur la Lune, que c'est la Lune est américaine. Ça, non-appropriation de l'État. Exploitation des ressources, c'est peut-être plus subtil en termes d'appropriation des biens. Alors, c'est peut-être un sous-ensemble de la souveraineté, mais je pense que c'est très subtil et que la distinction, si jamais techniquement on arrive à le faire, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui, la distinction va être acceptée, mais ça, c'est dans plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas maintenant. Mais tel que je le ressens, c'est le fait de pouvoir s'approprier une ressource, de l'utiliser comme du minerai de fer, de la détruire même, de détruire cette ressource pour fabriquer autre chose, c'est même l'appropriation ultime, puisque je vais jusqu'à détruire la chose. Donc je me l'approprie encore plus que si je ne mettais que mon drapeau dessus. Oui, mais il y a les tenants de ces arguments. D'accord. Qui vont sans doute se faire entendre. Ah, ouais. Mais il y en a d'autres. Il y a les arguments américains qui sont aussi très forts. Donc là, Barack Obama, il vient de donner du boulot aux juristes de l'espace que vous êtes pour des décennies. Là. Oui, mais est-ce que c'est un boulot utile tant qu'il n'y a pas la capacité de le faire? Parce que là, ça reste tout à fait théorique. Eh bien justement, Pascal Bultel, il y a quand même une société qui s'appelle Planetary Resources, qui est une société de Google, je crois, qui a cette ambition, affichée en tout cas, d'aller récupérer des ressources et puis les exploiter. Oui, donc c'est une. Il y a deux sociétés américaines, et la plus ancienne, c'est Planetary Resources, qui a été créée il y a 4-5 ans maintenant, créée par un des fondateurs de Google. Donc le terme est clair, ressources planétaires, mais la planète, c'est pas la nôtre. Hein. C'est clairement, ils veulent aller chercher des ressources ailleurs. Dans un premier temps, j'ai trouvé ça particulièrement stupide. Et puis un soir, quand même, je me suis dit, bon, on va quand même faire quelques calculs. Allez. Donc j'ai été sur Wikipédia, je crois que j'ai pris la valeur du tungstène, je crois. Et j'ai regardé le prix du kilo de tungstène et j'ai fait une projection sur 30 ans et je me suis rendu compte que 10 tonnes de tungstène, ça valait le prix du vaisseau pour le ramener. Donc c'est plus complètement débile. Hein. Donc je me suis dit, mais mince, ça marche presque. Et quand on regarde le prix de certaines matières premières, que l'on fait des projections, pas sur 2000 ans, pas sur 100 ans, mais sur quelques dizaines d'années, ben on se rend compte que le prix du chargement est supérieur au prix du lancement plus du vaisseau pour aller le chercher. Ah d'accord. Ce qui est la définition de la rentabilité. Donc c'est pas ça que... peut devenir rentable dans quelques décennies. Ah, vous provoquez quelques réactions là, j'ai l'impression. C'est-à-dire, en fonction du type de ressource, on ne peut plus dire que c'est totalement stupide. Il faut faire attention. Sans aller jusqu'au potentiel découvert de diamants ou je ne sais quoi, je voulais revenir 45 ans en arrière. À qui appartiennent légalement les cailloux que l'on a rapportés de la Lune? Il y en a une demi-tonne à peu près. Du point de vue légal, je veux dire. À l'humanité, monsieur. En fait, ils appartiennent à l'humanité, mais ils sont sous la bonne garde des autorités américaines ou des musées qui les possèdent. Donc, je ne pense pas qu'on soit posé la question de la propriété. On se pose la question plutôt de la garde et du fait qu'ils sont là. Donc, je ne sais pas si vous alliez réclamer ces cailloux, on vous les donnerait, je ne crois pas. Mais on ne s'est pas posé la question de la propriété. On s'est posé la question de les ramener et de les stocker de façon sécuritaire. Pascal Bultel. Juste pour compléter ma réponse de tout à l'heure, personnellement, je ne suis pas d'un naturel triste, pas vraiment. Je ne suis pas négatif, pas vraiment. Cela dit, il faut quand même se rendre compte que dans plus de 50 ans, il y a certains matériaux, on aura quand même des vrais problèmes. Donc du cuivre, il n'y en a pas une quantité limitée sur Terre. Du titane, il n'y en a pas une quantité limitée sur Terre. Par contre, du titane, il y en a énormément sur la Lune. Voilà. Et les autres ressources, notamment la bauxite pour faire l'aluminium, c'est clair qu'avec quand j'étais jeune, il y a longtemps maintenant, la population humaine c'était 4-5 milliards d'habitants, mais on est à 7. Hein. Donc à la vitesse où ça va, c'est clair qu'il y a un moment, on va manquer de certaines choses. Et c'est pas dans des milliers d'années, c'est beaucoup plus près que ça. Si on regarde notre niveau de développement actuel. D'où la création de Planetary Resources, car le fondateur de Google crée rarement des choses par hasard. Ah, c'est sûr. Si j'ai bien compris, il faut quand même être capable de ramener le chargement avant sur Terre pour obtenir le droit de l'exploiter, d'après ce qui a été signé là par Barack Obama, c'est bien ça ? Il faut d'abord qu'on pose la carriole, alors qu'on ne peut même pas aujourd'hui poser le vaisseau transporteur, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc autant pour quelques tonnes d'un matériau rare, oui, mais si on venait à manquer d'acier ou de choses qu'il fallait transporter en plus large quantité, on n'y est toujours pas, là. Non, mais en fait, au moment de l'exploitation, si un exploitant américain s'approprie du matériau, à ce moment-là, qu'il l'ait ramené sur Terre ou pas, qu'il l'ait donc déjà extrait, à ce moment-là, il a le titre de propriété. Maintenant, qu'il le laisse sur place ou pas, il sera toujours propriétaire, excepté qu'il n'en aura pas le bénéfice. Alors, on a de la chance parce que généralement les ressources minières sont sur de petits corps, sur de petits planétoïdes où il n'y a pas de gravité. Donc se poser, il n'y a pas de problème pour se poser. Le problème, c'est plutôt de rester accroché, vu qu'il n'y a pas de gravité, c'est de rester accroché. Et le plus gros problème encore, c'est certainement, c'est pas ce qu'on croit, hein, c'est certainement de creuser. C'est que creuser, donc ça veut dire des machines tournantes. On va pas envoyer des gars avec des pioches. Mais ça veut dire qu'une machine, une foreuse, c'est vraiment pas simple. C'est avoir une machine tournante sur Terre, c'est déjà, mais avoir une machine fiable qui creuse dans l'espace sur un petit planétoïde, c'est vraiment pas simple. Qu'il faut lubrifier avec le lubrifiant qui s'en va dans l'espace parce qu'il a, il descend pas. En plus, faut rester accroché parce que pour creuser, faut quand même pousser pour s'enfoncer. Absolument. Or, y a pas de gravité. Je ne sais pas si ça fonce tant que ça, mais bon, j'y vais. Non, c'est tout doux. Dans Objectif Lune, la BD, le capitaine Haddock cachait 3 bouteilles de très bon whisky dans des faux livres de théorie. Mais tout ça, c'est de la bande dessinée. On ne trouverait personne dans la réalité qui oserait emporter de l'alcool dans sa fusée et encore moins dénoncer celui qui l'a fait. Alors pour rebondir sur ce qu'on vient de dire juste avant, et pour notamment sur le sujet des astronautes, du recrutement des astronautes, on était sur les premiers profils d'astronautes, si je dis pas de bêtises, c'est les pilotes d'essai, etc. Maintenant, c'est plus des scientifiques même qui ont malgré tout une très bonne condition physique. Donc avec cette exploitation de minerais dans l'espace ou autre, à plus long terme, une fois qu'on a visité Mars ou on a fait beaucoup de science, est-ce que le profil de l'astronaute va changer ? Est-ce qu'on en verra plus tard Bruce Willis dans l'espace, quoi, en gros ? Alors il y a un cas qui est assez drôle, c'est que parmi les 12 astronautes du programme Apollo qui se sont posés sur la Lune, le dernier, c'était un géologue. Et c'est le seul qui n'avait pas un contrat de travail avec donc l'armée de l'air américaine. Oui, mais ce que géologue, c'est toujours ils ont leur spécialité. Est-ce qu'il y a un autre type de, je veux dire, de profil qui est visé à 40-50 ans je sais pas, un cow-boy, quoi. On peut faire une analogie avec les métiers terrestres. C'est que si les missions changent, les profils, je pense que les profils vont revenir vraiment de l'ingénierie pure et dure. Si on veut ramener de la matière, faut revenir basique, faut gratter, faut creuser. Donc on va retrouver des professions d'ingénierie mécanique pure et dure. Pour aller sur Mars, on aura peut-être besoin d'un médecin à bord aussi, non ? Se pose le problème un petit peu de la redondance, du fait que chaque astronaute va de plus en plus avoir besoin d'avoir plusieurs qualifications à son actif. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, sur une mission martienne, s'il y a un médecin à bord, donc un chirurgien en pratique, et que ce chirurgien a un problème lors du voyage vers Mars ou sur place, qui est-ce qui va prendre la relève et le soigner, hein. Donc il faudra dans l'équipage quelqu'un d'autre qui soit par exemple un biologiste avec des connaissances quand même étendues à la physiologie humaine et pourquoi pas aussi un peu de médecine, etc. Voilà, c'était juste pour dire que de plus, on voit dans le profil des astronautes qui sont souvent à la fois ingénieurs plus médecins ou pilotes plus ingénieurs. Il n'y a pas beaucoup de place pour emmener des êtres humains dans l'espace, dans les vaisseaux. On peut pas embarquer des dizaines et des dizaines d'astronautes avec chacun une qualification précise, unique et particulière. La place, les consommables sont limités. Donc je pense qu'il faut faire appel à des compétences multiples chez les individus. Alors j'ai une question pour Monsieur Léo et après je vous passe le micro. Dans le film Alien, on voit ce qu'on appelle l'autodoc, donc le système qui est supposé téléopérer. Est-ce que l'on pourrait téléopérer, on va dire, de la Terre à la Lune ? Alors, à ma connaissance... Ça veut dire réaliser une opération chirurgicale alors que le chirurgien est sur Terre. Oui. Donc vous savez qu'il y a des opérations qui se font à distance sur Terre. On peut très bien avoir un chirurgien à New York qui opère un patient à Paris, hein. Donc ça s'est fait à l'aide de robots chirurgicaux, ça se fait. La problématique qui se passe, c'est le temps de communication. Et très franchement, un délai supérieur à 2 secondes en termes de communication, c'est déjà énorme pour la réactivité du chirurgien face à un événement comme l'hémorragie d'un vaisseau ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est exclu. La Lune est à 350 000 km, donc ça veut dire une seconde lumière. Mais oui, aller-retour, oui, c'est vrai, il faut aller-retour, dit Michel. Alors, on est probablement limite, hein, effectivement. Dans les voyages vers Mars, c'est hors de question. Hein, les délais seront beaucoup trop importants. Voilà. On voit dans Alien, hein, effectivement, il y a, on fait une incision, enfin, il y a du matériel médical. Je ne sais plus comment il s'appelle, Kane, je crois, donc celui qui se reçoit l'espèce d'araignée sur la figure, est allongé, et puis... À un moment donné, il y a de l'imagerie médicale. Alors, en ce qui concerne les robots un petit peu totalement automatisés en termes, par exemple, de diagnostic et d'intervention ensuite, à ma connaissance, on en est à des systèmes expérimentaux capables, par exemple, d'identifier une tumeur dans des tissus mous et d'aller effectuer une biopsie sur place et éventuellement une exérèse, quand c'est pas trop compliqué. Mais ça, c'est fait expérimentalement sur l'animal, voire sur des tissus. L'exérèse, c'est quoi l'exérèse ? C'est enlever la tumeur. Ouais. D'accord. Oui, je me demandais en fait si à terme de quelques dizaines d'années, au-delà d'un exploit symbolique, on va plutôt envoyer des engins sur les planètes qui seraient automatiques, avec des instructions complexes qui seraient envoyées à distance, mais qui se débrouilleraient dans une certaine mesure tout seul. Ce serait pas moins cher et plus efficace à terme? Alors c'est clair que je dirais qu'on va pas envoyer des personnes piochées. Quoique c'est un thème qui est abordé dans un film qui est sorti un an après Alien seulement, c'est Outland, très très bon film où il y a des creuseurs. On se rend compte que quand même, enfin, l'être humain est quand même très souple d'emploi, il est quand même beaucoup plus intelligent que les machines. Donc des creuseurs, je pense pas, mais on sait jamais. Maintenant le point faible des systèmes mécaniques, c'est leur fiabilité. C'est un environnement qui est aussi peu sympathique pour les machines que pour l'homme. Et c'est un milieu qui est vraiment agressif. Et la fiabilité des machines, ça... d'origine, moi, je suis construction mécanique, dessinateur industriel, il y a longtemps. Et ça me paraît vraiment pas simple. C'est une problématique très excitante, mais on se rend compte que le plancher des vaches, c'est quand même beaucoup plus facile. On n'est pas prêt de creuser là-haut. Ça va pas se faire tout de suite. Ça se fera parce qu'on en aura besoin. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors, je vais passer le micro à quelqu'un qui a un t-shirt que Pascal Bultel voudra bien échanger avec vous, monsieur. Donc, si vous êtes prêt à repartir avec ça... Je le veux. Si vous êtes prêt à repartir avec sa chemise, y compris la cravate, il vous la donne contre votre t-shirt. T-shirt Nostromo. Ah, je sais, j'ai repéré l'endroit où l'acheter, je connais déjà. D'accord, c'est bon. Oui, je voulais revenir sur la remarque du médecin. Aujourd'hui, il me semble que sur la Station Spatiale Internationale, les astronautes qui s'y rendent font notamment des stages dans des hôpitaux pour apprendre au moins les gestes d'urgence et sont capables de suturer au moins et d'apporter les premiers gestes aux autres astronautes. C'est une petite histoire que raconte votre compatriote Chris Hadfield, qui a passé 6 mois dans la Station Spatiale Internationale et qui a appris à suturer dans les hôpitaux. Oui, alors à chaque fois qu'il y a un équipage de 6 dans la Station Spatiale est désigné un crew medical officer. S'il n'y a pas de médecin, donc on forme quelqu'un. La formation, écoutez, à mon sens, elle est très très courte parce que je pense qu'elle dure que quelque chose comme 36 heures de formation. Par exemple, on va s'entraîner à suturer un pied de porc, on va s'entraîner à poser une perfusion. Et effectivement, il faut être capable de faire certains gestes qui ont déjà été faits dans l'espace, comme par exemple poser une sonde urinaire. Parce que c'est dans quel cas, ça, la sonde urinaire? Alors la sonde urinaire, c'est parce que vous savez que on a arrêté de soumettre les astronautes à des machines infernales qui les tournaient dans tous les sens pour voir s'ils vomissaient ou s'ils vomissaient pas, puisqu'on s'est aperçu qu'on n'avait aucun moyen de prédire le fait qu'un astronaute soit malade dans l'espace et qu'en pratique, au moins 2/3 d'entre eux vomissent en arrivant dans l'espace. Et même ceux qui ne sont pas malades du tout sur Terre, ou ceux qui sont très malades, c'est imprévisible. Hein. Et donc, à l'époque de la navette spatiale, il y a une anecdote comme ça. Il y a un astronaute. Alors déjà, ils attendaient plusieurs heures avant le décollage, et vous savez, en position horizontale, avec les jambes un petit peu surélevées, ce qui a tendance quand même à petit à petit remplir un petit peu la vessie, du fait que le sang revient un petit peu plus dans l'abdomen et dans le thorax. Et puis donc cet astronaute avait pris un médicament un petit peu contre le mal des transports avant de décoller. Ces médicaments-là sont ce qu'on appelle des anticholinergiques et entre autres ils ont comme effet indésirable de provoquer des rétentions urinaires. Donc cet astronaute il prend ça, ensuite il arrive dans l'espace, il est malade, il vomit, on lui fait une injection d'un médicament semblable qui est donc à nouveau un anticholinergique et puis ça va un petit peu et puis non et finalement il continue à vomir, à pas être bien, on lui fait une deuxième injection, résultat rétention aiguë d'urine, donc effectivement il faut faire pipi. Exactement, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de placer une sonde urinaire. Il faut aller chercher l'urine dans la vessie. C'est ça, il faut introduire une sonde qu'on enfile jusqu'à la vessie. Et sans parler que cet astronaute en question, on n'a pas pu lui enlever cette sonde urinaire parce qu'il se remettait en rétention d'urine. Donc on s'est vite aperçu qu'il allait falloir lui laisser la sonde pendant tout le vol. Donc ça a été le cas. Quel bonheur. Et figurez-vous que cet astronaute a revolé une deuxième fois et s'est remis une seconde fois dans l'espace en rétention aiguë d'urine. Il a fallu une deuxième fois le sonder. Donc en pratique, l'astronaute qui est chargé de la partie médicale, sous le contrôle des médecins au sol, doit être capable de faire effectivement certains gestes, comme une suture, une perfusion, des injections, un sondage urinaire, éventuellement presque une fibroscopie bronchique, histoire, parce que dans la station spatiale, il y a des corps flottants, hein, c'est ça le problème, et on peut les inhaler, donc ça peut partir facilement dans une bronche. Hein. Imaginons que les astronautes jouent aux billes dans la station spatiale, la bille, elle va flotter, puis à un moment donné, quelqu'un peut la respirer, et donc l'inhaler sans s'en apercevoir. Donc un astronaute doit aussi être capable de pouvoir repousser un corps étranger au fond d'une bronche pour éviter la suffocation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme geste? Des soins dentaires, éventuellement. Ils doivent être capables de faire quelques soins dentaires. Mais en fait, c'est ça qui est un petit peu paradoxal avec la station spatiale. C'est qu'on est bien plus proche d'un hôpital terrestre que ne le sont la grande majorité des humains qui vivent à la surface de la planète. Donc, en gros, on est à 300 km. Voilà, vous descendez en quelques heures et vous avez le comité d'accueil qui vous emmène dans l'hôpital le plus proche, à grand renfort d'hélicoptères, etc. Donc, c'est pas vraiment le bon endroit pour juger des situations aiguës médicales, bien qu'il y en ait eu quelques-unes, ce sera beaucoup plus problématique quand on sera très éloigné de la Terre. J'ai une question pour M. Farran. Donc les Américains sont en train de mettre en place un cadre juridique pour pouvoir ramener des choses, mais est-ce que ça veut dire que la notion de concession minière, est-ce que cette notion de concession est comprise dans le texte ou est-ce qu'elle reste incompatible de la convention? Parce que dans la culture américaine, la concession existe très fort. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le paragraphe qui est à la fin de la loi en question, où on dit ceux qui peuvent s'approprier des ressources en sont les propriétaires, les Américains en sont les propriétaires, et on dit, mais tout ça conformément aux obligations internationales des États-Unis. Ben voyons. Alors, si les États-Unis eux-mêmes, le gouvernement des États-Unis, jugent que ce que sont en train de faire certains exploitants n'est pas compatible avec leurs obligations internationales, non-appropriation ou autres, ils pourront limiter les droits de ces exploitants. Donc je pense pas que... Déjà que le droit de propriété sur des minéraux est, sera applicable que dans quelques dizaines d'années, on n'est pas encore à un point où on va faire des concessions, on va établir des concessions. Madame. Je vais tenter de vous faire, de vous projeter dans le futur en ce qui concerne le déplacement des engins spatiaux pour arriver beaucoup plus rapidement sur d'autres planètes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Sachant que la matière est de l'énergie condensée, que celle-ci a donc des particules. Je crois que les USA sont en train de commencer à étudier cela, c'est-à-dire par l'accélération des particules, obtenir la dématérialisation de la matière. Et dès lors, l'humain pourrait donc dépasser la vitesse de la lumière pour se déplacer sur d'autres planètes à la vitesse de la pensée. Est-ce que vous y avez pensé? Je sais que les USA commencent à l'étudier, que probablement, dans ces laboratoires-là qui sont tenus secrets, des chercheurs vont se dématérialiser en même temps, dans les premiers temps, mais que c'est le futur. Parce que sinon, vous ne pourrez pas visiter toute la galaxie avec les méthodes d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être inventées dans le futur proche. Alors, Pascal Bultel, vous n'avez pas pensé à ça? Alors la première expérience réussie de téléportation, elle date d'il y a quelques années. Ça a fait les gros titres. Donc la première, c'était en Australie. Alors, c'était... Donc c'est pas secret. Hein. Non. Voilà. C'est... Oui, non, mais ça c'est pas secret. Oui, Il y a eu une annonce il y a moins d'un an, mais je m'en souviens pas trop. Le problème de la téléportation, c'est que la première étape du processus, avant de transporter quoi que ce soit, il faut l'analyser. Il faut savoir ce qu'on va transférer. Et le seul moyen d'analyser ce qu'on va transférer, c'est de le casser. Donc c'est la limite du procédé, c'est que ils ont commencé par, on va dire, désintégrer la particule, ce qui a permis de l'analyser, puis en fin de compte de la refabriquer à distance. Alors ça s'est appliqué à une seule toute petite particule. Je sais plus ce qu'ils ont transféré, c'est un atome, enfin c'est rien du tout. Et alors ça a marché, semble-t-il. Il y a pas eu de... C'est un début. Cela dit, ils ont transféré a priori un atome. Ça a quand même demandé beaucoup d'énergie. Donc le problème, c'est que si on voulait transférer ne serait-ce qu'une pomme, la quantité d'énergie nécessaire pour téléporter la pomme, il faut une quantité d'énergie colossale. Donc le problème que l'on a là, c'est quelle est la quantité d'énergie qu'il faudrait. Et deuxièmement, la pomme acceptera toujours de se laisser désintégrer, les passagers potentiels, c'est moins ça. Donc, en plus, il faut la désintégrer, puis ensuite, il faut la reconstruire quand même, et dans le bon sens, si possible. Et dans le bon sens, et dans le bon sens. Ce serait gentil. Est-ce qu'on peut aller... Non, on va continuer, madame. Alors, regardez, je voudrais qu'on passe maintenant à la diapositive, enfin, à la page numéro 6. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, ça, Pascal Bultel, cette... diapositive numéro 6. Ce sont des images là pour le coup qui ont été prises directement, c'est des captures d'écran du film. À ma connaissance, alors j'ai pas vu tous les films de science-fiction, même si j'en ai vu beaucoup, c'est peut-être le premier film où on voit une trajectoire représentée en 3D. C'est le premier c'est ce qu'on voit en bas à gauche. Ouais. Hein. En bas à gauche. C'est le premier film de science-fiction où on représente la navigation, où on représente un système de navigation avec un affichage en 3D. Alors, lorsqu'on est arrivé, donc c'était de bon vieil écran cathodique. Ce n'est pas du tout de l'écran plat. Donc c'est une autre époque. Cela dit, c'est le premier film où on montre ce qu'est une trajectoire. Donc ça, c'est en bas à gauche. Hein. Oui. Effectivement, on voit la trajectoire se matérialiser sous la forme de ces carrés qui avancent en 3D. En bas à droite, on a aussi une représentation 3D de la surface hein, du planétoïde sur lequel ou de l'astéroïde sur lequel ils vont s'installer. Et en haut, alors là, c'est la salle d'ordinateur. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Elle est un peu abstraite, peut-être. Eh bien, en préparant cette soirée, donc j'ai collecté des informations sur le film. Je me suis rendu compte que la capacité de mémoire qui est annoncée pour l'ordinateur, c'est moins qu'un disque dur. C'est moins que le disque dur de l'ordinateur que j'avais devant moi sur mon ordinateur. D'accord. Donc, en 1978, ils annoncent 2 téra de capacité. Alors pour l'époque, 2 téra, c'est cosmique. En 1978, l'ordinateur de 1978, donc c'est le TI-99-4A de Texas Instruments, et il a 4 kilooctets. 4 kilooctets, voilà, c'est ça. Donc, 4 kilooctets de mémoire. Donc, 2 téra, c'est de la science-fiction complète. Mais 2 téra, c'est un disque dur qu'on peut acheter pour 100€ aujourd'hui. Alors, si on va à la page numéro 7, donc là, la page numéro 6, là, qu'on vient de quitter, c'est quelque chose qui préfigurait ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, je me suis amusé à regarder des choses qui, pour le coup, font un peu vieillot, quand même. Alors, déjà, pour discuter avec maman, c'est l'ordinateur de bord, on peut pas causer avec maman cause pas, il faut discuter avec elle, avec maman, avec l'ordinateur, via un clavier qu'on voit en haut à gauche. À droite, vous savez, H, qui est le robot en fait, hein, l'humanoïde en haut à droite, il est en train de regarder un écran. Vous voyez la profondeur de l'écran. Aujourd'hui, les écrans ils sont plats, hein, donc ça a pris un coup de vieux aussi. Et puis en bas, il y a 2 écrans. Donc en bas à gauche, c'est vraiment un écran avec l'affichage un peu verdâtre qu'on avait effectivement à la fin des années 70. Et puis en bas à droite, c'est carrément des 1 et des 0, quoi. C'est-à-dire que l'écran, il vous montre les octets les uns après les autres. C'était assez amusant. C'était formidable pour l'époque, absolument. D'autres interventions peut-être avant qu'on ne se quitte? Je vous en prie. J'avais encore une question sur la propriété qui était un gros thème ce soir. On a parlé de l'appropriation de ressources pour éventuellement les utiliser, les ramener, en faire tout ce qu'on était capable d'en faire. On n'a pas parlé du fait de trouver un petit head crab tout gentil comme il y a dans le film. Qu'est-ce qu'on en fait, que ce soit les Américains ou d'autres d'ailleurs? Quel droit on a sur ce type de d'être vivant potentiellement dangereux d'ailleurs? En fait, la question se pose aujourd'hui en droit international public. Parce qu'en droit national, comme je le disais, seuls les États-Unis ont ce texte qui fait des ressources exploitées par les Américains la propriété d'un Américain. Donc, tous les autres pays du monde n'ont pas, en droit national, ces possibilités. Donc, la question, en droit international public, se pose: un être vivant de type animal, même si c'est un animal extraterrestre, a-t-il des droits en droit international public? Et donc, c'est une question de droit qu'on peut poser, mais qui n'a jamais vraiment été étudiée, ou alors peut-être dans des thèses un peu... prospective. Mais y a-t-il, en droit international public, un droit de ce petit animal à la protection? Déjà que le droit des animaux, dans certains pays, c'est plus ou moins fort. Alors, en droit international public, on ne s'est pas encore beaucoup préoccupé de ces choses. Je reviens sur l'exploitation, la prévision de Google pour essayer de voir comment on pourrait exploiter les matériaux d'une autre planète. Alors moi, je me pose la question. Depuis des siècles, sur la Terre, on creuse, on récupère, etc., mais ça reste sur la planète. Dès l'instant où on va enlever toute une partie d'une autre planète, est-ce que ça ne va pas modifier l'équilibre de la planète en question? Alors si on récupère, alors il y a certains petits corps rocheux qui sont extrêmement denses dans certains matériaux, et c'est ça qui les rend intéressants. C'est pas la majorité, mais certains astéroïdes sont vraiment métalliques et très très très très, très purs. Donc un petit astéroïde de 1 ou 2 malheureux kilomètres, mais dans le bon matériau, alors un kilomètre cube de tungstène, combien ça vaut? Ça vaut. Oui, allez-y, je vous en mais prie. Là, on va pas se poser la question, on va tout ramener. Hein, si c'est seulement 1 km³, on va le ramener. Alors, donc le petit corps, il est détruit. Si c'est un astéroïde riche, dans les années 70, donc il y a les premiers travaux, Il y a les premiers travaux NASA, il y a des dessinateurs de science-fiction comme Chris Foss qui font les premiers dessins. Donc bah là, ce qu'on conçoit dans les années 70, c'est qu'on va ramener carrément le petit astéroïde autour de la Terre. Bon, alors en termes de performance, 1 km cube de tungstène, en termes de masse, c'est vraiment de la science-fiction. En termes, on peut pas en déplacer. À l'heure actuelle, les Américains prévoient plutôt de ramener un astéroïde de 10 mètres. Et encore, 10 mètres. Donc ça donne, on n'est pas 1 km cube. Hein. Cela dit, quand c'est 1 km, c'est quand même un tout petit corps. Si vraiment ça valait la peine, et si on pouvait le faire, on se projette dans 100 ans, dans ce cas-là, on ramène tout, on ne se pose pas la question. Donc bah, là, c'est de la destruction pure et simple, on ramène et on s'en sert. Maintenant, 1 km cube de matière vis-à-vis de Mars, c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est rien. 1 km cube, c'est insignifiant. J'aimerais bien, avant qu'on se quitte, que vous me racontiez peut-être les uns les autres, si vous le souhaitez, comment vous avez découvert ce film et puis quel effet il vous a produit. Alors Pascal Bultel, vous en avez dit un mot, c'est que vous étiez jeune. D'abord, vous n'avez pas vu le film. Alors non, je l'ai. Mon frère est rentré un soir très rapidement, puis il est passé devant moi à toute vitesse. Donc ça, c'est le signe qu'il voulait cacher quelque chose. Et donc ça n'a pas loupé. Le lendemain, en fouillant dans sa chambre, j'ai trouvé 2 livres. Il y avait 1000 photos sur le film Alien. Ah, il y a un livre qui s'appelle 1000 photos sur le film Alien. Donc ouais. On le trouve sur eBay. C'est un livre de collection, mais qui vaut vraiment pas très cher. Donc c'est, il vaut une 40aine d'euros maximum, voilà. Donc c'est 1000 photos sur le livre Alien, l'album, et puis le hors-série de Metal Hurlant qu'on trouve sans problème pour 20€. C'est une pièce de collection, elle vaut rien du tout. Donc il y a le hors-série de Metal Hurlant sur Alien. Et j'ouvre le magazine, et à peu près vers le milieu, il y a deux planches où on voit le plan du Nostromo. Donc je vois le plan du Nostromo, et là je me dis, c'est ce que je veux faire quand je serai grand. Et là, et finalement, bah, 36 ans plus tard, bah, j'ai travaillé pendant 5 ans sur le remorquage orbital. Donc bah, le rêve est devenu réalité. Donc c'est le film Alien qui a décidé de votre vocation. Oui, complètement. J'ai vu les dessins de Ron Cobb, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire, c'est pas autre chose, c'est vraiment ça. Donc ça a pris du temps, mais bon, bah, plus modestement, beaucoup plus modestement. Mais et aujourd'hui, vous travaillez sur la question du remorqueur, hein. Effectivement, on peut en dire un mot. Le remorqueur, on a dit que c'était le Progress, hein, par exemple, qui est capable de pousser la Station Spatiale Internationale. C'est aussi l'ATV, donc l'Automated Transfer Vehicle, qui est l'équivalent du Progress européen. Mais est-ce que... Alors, il n'y a plus d'ATV. Il y a eu 5 ATV. Le dernier, c'était Georges Lemaître. Il est tombé en poussière dans l'atmosphère. Toutes ces technologies qu'on a mises en place, là, au CNES, à l'Agence Spatiale européenne, qu'est-ce qu'elles peuvent devenir? On a été capable là, d'envoyer un engin automatiquement dans l'espace, qui est capable de se repérer, de se rapprocher de l'ISS progressivement, de s'amarrer. C'est quand même un bel engin, un beau savoir-faire là. Alors on peut le dire parce que c'est pas secret, ça a été présenté en session publique à l'Union européenne. C'était le 26 novembre, il y a un an, 26 novembre 2014. Donc bah, les travaux qu'on a lancé lorsque j'étais au CNES, des travaux ont abouti à 2 propositions industrielles, une d'Airbus et l'autre de Thales Alenia Space, 2 propositions à l'Union européenne pour développer des remorqueurs à propulsion avancée. À propulsion, alors remorqueurs, donc deux c'est... remorqueurs. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sera quoi la mission de ces engins automatiques? Alors dans les deux cas, on cherche la polyvalence, on cherche soit à ravitailler une station, soit à... Donc ça, c'est ce que faisait déjà la TV. Ouais. Soit on refait la TV, mais en nettement mieux. Ouais. Soit bah, on va aller saisir une charge utile pour une mission d'exploration. Attendez, une charge utile, c'est quoi par exemple? Ça veut dire un équipement scientifique. Je prends un équipement scientifique et je vais l'emmener là où il faut. Exactement. Sur la planète Mars par exemple. Donc, exactement. C'est un petit remorqueur effectivement que je peux réutiliser éventuellement. Oui, où il y a tout simplement aller sauver, et ça arrive de temps à autre, aller sauver des charges utiles qui valent très cher en orbite terrestre. Donc un satellite. Qui sont sur une mauvaise orbite. Ouais. Que l'on va aller capturer et mettre sur la bonne orbite. Mmh. Donc ça, bah, c'est vraiment du remorquage orbital et ça a été proposé à l'Union européenne il y a de cela déjà un an. D'accord, formidable. Donc ça, c'est du remorquage. Il y a d'autres missions possibles. On parle de ravitaillement, de refueling, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de satellites qui, au bout du 10 ou 13 ans, finissent par tomber en panne. Non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus, mais parce qu'ils n'ont plus d'ergol, enfin pas d'ergol, mais de carburant à bord. Alors cette mission a été beaucoup étudiée. Elle perd beaucoup de... elle a perdu beaucoup de supporters. Cela dit, la notion qui existait peu avant, c'était la notion de service dans l'espace, tout simplement parce qu'on n'avait pas de véhicule assez performant pour offrir des services. La grosse notion qui arrive avec les remorqueurs orbitaux, c'est je vais pouvoir offrir des services. Et dans ce domaine-là, la TV a été vraiment le précurseur en Europe. Donc ça, c'est l'aspect polyvalent, c'est extrêmement présent. Et pourquoi est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire ces espèces de remorqueurs polyvalents qui vont apparaître dans 10, 20, peut-être 30 ans ? Ah, déjà parce qu'on a la bonne propulsion. Avant, on n'avait pas une propulsion assez endurante. Maintenant, on a une propulsion qui est beaucoup plus performante. Et puis, on a fait des gros progrès en robotique en Europe. Donc la propulsion, c'est de la propulsion électrique, hein, oui. C'est pas nucléaire, oui. C'est avec des panneaux. Pour l'instant. J'alimente un moteur électrique qui donc envoie du xénon dans l'espace. Peu de xénon, mais très rapidement. Hein, c'est ce qu'on a dit, cette propulsion très endurante. Donc l'analogie qu'on peut faire, c'est que les générateurs nucléaires vont arriver dans quelques décennies. Ils vont venir, mais pour quelques décennies, en fait, on est revenu à l'âge de la voile. Est-ce que d'autres personnes, peut-être vous, Franck Lehaut, peut-être d'autres personnes dans l'assistance, voudraient nous raconter comment ils ont découvert le film avant qu'on ne se quitte, puis quel effet ça leur a produit ? Écoutez, moi, je vais vous raconter une anecdote très, très, très modeste, eu égard à ce qui vient d'être dit. J'avais une grand-mère assez extraordinaire qui nous emmenait partout. Et c'est elle qui, quand j'étais ado, m'avait emmené voir Alien. Sympa la grand-mère. Ah oui, très sympa, très cool. Et effectivement, à l'époque, pour moi, c'était un film de science-fiction non seulement extraordinaire, mais quand même un tout petit peu terrifiant. Donc j'étais quand même relativement cramponné à mon siège quand ils s'avancent dans les tunnels là qui condamnent avec les lance-flammes qui se font manger les uns après les autres. J'étais quand même assez effrayé. Et à un moment donné, je me tourne vers ma grand-mère, elle s'était endormie. Et alors là, je dois dire que c'est quelque chose qui m'a assez impressionné, au moins autant que le film. Alors, Sandra, oui, qu'est-ce que vous pensez de l'alien ? Ah oui, c'est vrai qu'on a une planche sur l'alien. Là. Est-ce qu'on peut le regarder une seconde là, le médecin. Tenez, alors voilà, il est en page 5. Donc on le voit à gauche, on le voit jamais comme ça, hein, à gauche, on le voit jamais en grand. On comprend jamais qu'en fait c'est un déguisement avec un homme à l'intérieur. En haut à droite, vous avez l'œuf qui va sauter à la figure de Kane. Vous avez l'espèce d'araignée qui est sur la bouche de Kane. Et puis là, en bas à droite, vous avez l'espèce de peau qui est récupérée puisque Alien mue. Je le trouve pas très efficace comme parasite parce que un parasite, donc, il évolue dans un cycle avec des hôtes qui l'empruntent pour diverses phases de son développement et son but, c'est quand même de proliférer. Et là, on voit ce parasite qui attend probablement des décennies et des décennies sur une planète en envoyant un signal pour essayer de capter quelqu'un qui voudrait se détourner, descendre, dans l'espoir qu'il se pencherait sur l'œuf qui pourrait lui sauter au visage et ainsi proliférer dans le corps de la personne, repartir. Alors, il y en a qu'un, il y a un seul parasite qui fait ça, il remonte dans le vaisseau, ensuite il tue son hôte, mais ça c'est fréquent dans le règne animal, et bon, il se retrouve unique, qu'est-ce qu'il va faire à partir de là, comment il va se reproduire, je pense que la stratégie d'un parasite qui veut coloniser l'univers et se répandre devrait être un tout petit peu moins agressive et un tout petit peu plus futée, de façon par exemple à utiliser plus longtemps le corps de son hôte et à pouvoir proliférer d'une manière un petit peu plus sage, en coloniser plusieurs pour se multiplier davantage. Là, je le trouve un petit peu agressif. Et puis, il y a quand même des choses un peu étonnantes. Hein. Quand il sort du corps de son hôte, il fait 20 cm de haut. La fois suivante, il en fait 2,50 m. Ouais, il y a pas quelques trop. Heures qui sont passées et puis il a pris 100 kilos là, en quelques heures. Ouais. Et on ne sait pas ce qu'il a bouffé, hein, c'est vrai. Voilà, ouais, exactement. Alors oui, j'avais encore peut-être une petite question. Alors là, concernant le synopsis général du film, en fait, et l'application générale aux voyages spatiaux, c'est concernant la géographie, la situation géographique de la planète LV-426. Parce que bon, le vaisseau spatial visiblement a vogué pendant plusieurs mois avec les astronautes à son bord, endormis bien sûr. Et on sait que les exoplanètes les plus proches sont environ 10 années-lumière. Donc on peut supposer que cette planète serait, on va dire, au-delà de Pluton, vers la ceinture de Kuiper, mais bien que celle-ci a été rétrogradée en tant que corps céleste. Je Je ne sais pas ce que vous en pensez généralement de cet avis, en fait. Alors, dans le film, en fait, le film Alien a des passerelles vers des thèmes qui sont très différents. Notamment, le Nostromo, c'est un livre qui a été publié en 1904. C'est une nouvelle de Joseph Conrad. Donc, c'est un exemple. Et notamment, l'histoire se passe dans la banlieue d'une étoile qui s'appelle Zeta 2 Reticuli. Et elle se situe à 39,38 années-lumière, d'après Wikipédia, j'ai vérifié hier. Donc elle est à 39, mais cette étoile n'est pas du tout choisie par hasard. Elle n'est pas du tout choisie par hasard, parce qu'au début des années 60, aux États-Unis, il y a le premier cas de ce que l'on appelle des enlèvements extraterrestres. Donc c'est un couple d'Américains qui dit dans les années... c'est en 1961, qui dit « on a été enlevé par des extraterrestres ». Et ça a fait beaucoup de bruit, parce que c'était la première fois. Et parce que leur histoire semblait vraiment super crédible. D'ailleurs, on n'a pas réussi à les mettre en défaut. Donc ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et donc Ridley Scott, qui fait le film, il fait le film et il se dit « est-ce que ça pourrait se passer ?» Et il se rappelle de cette histoire qui a fait du battage 17 ans avant le film, à peu près. Et dans ce cas d'enlèvement extraterrestre, le couple a dit... Les extraterrestres ont dit qu'ils venaient de l'étoile Zeta 2 Reticuli. Donc Ridley Scott reprend l'idée, et il dit que ça se passe à cet endroit-là. Et si vous regardez bien le film, à un moment, on le voit très très très rapidement, mais on voit des petits extraterrestres dessinés sur du papier, mais en fin de compte, il fait référence à ça. Donc ça se passe à 39 années-lumière de la Terre. Et ça fait référence à un fait divers américain des années 60. Tu veux faire médecine ? Mon Dieu, mais c'est 10 ans d'études, l'idée n'est pas fine. Bachoter des bouquins, c'est rude, oublie donc ta peur. Inscris-toi donc à la NASA et en 36 heures, un vrai médecin tu deviendras. Alors avec Alien, on a vu qu'on a abordé le thème du remorquage, qui est un thème d'aujourd'hui ou de demain, des mines dans l'espace, et on voit que Barack Obama et certaines sociétés sont en train de donner corps à cette idée. L'affichage 3D, évidemment, on connaît ça. La propulsion nucléaire, on en est capable, si on s'en donne les moyens. La gravité artificielle, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être réaliser également. Bref, tout ça, ça prend corps, ça existe, ça va exister. Finalement, il manque que l'alien, c'est l'alien qu'on n'a pas vu, on sait pas où ils sont, on sait pas quand ils arriveront et s'il en arrivera un jour. Il y a un autre thème qui existe dans le film, c'est le thème de la quarantaine. Vous savez que Ripley, donc Sigourney Weaver, veut surtout pas que le gars avec son espèce d'araignée sur le visage entre à l'intérieur du vaisseau, et elle veut les laisser en quarantaine. Et puis finalement, c'est le vilain robot qui va laisser ouvrir le sas et qui va permettre à Alien d'entrer dans le vaisseau. Explorer sans contaminer, le thème de la quarantaine, explorer sans contaminer, c'est un thème qu'on va aborder dans un mardi d'espace supplémentaire qui va avoir lieu le 24 mai. Donc on va parler de biologie, d'extraterrestres, de la contamination. Comment est-ce qu'on fait quand on envoie des sondes dans l'espace et qui vont se poser sur Mars? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'elles ne contamineront pas avec les bactéries le sol sur place? Donc c'est un mardi d'espace qui devait avoir lieu le 17 novembre, et puis en raison des événements, bien sûr, il a été annulé. Donc le 24 mai, explorer sans contaminer. Le prochain mardi d'espace, c'est le 19 janvier, Pluton, deux points, des montagnes de surprise. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de Pluton, mais c'est absolument extraordinaire ce qu'on a découvert, cette variété de paysages sur Pluton, et notamment des montagnes auxquelles on ne s'attendait pas. Alors on va parler donc de Pluton, ce sera donc lors du prochain mardi d'espace, le 19 janvier. Voilà une nouvelle bonne soirée qu'on a passée grâce à vous et grâce à nos trois intervenants. Merci beaucoup de les remercier très chaleureusement. C'est Pascal Bultel, c'est Franck Léo et André Farran. Merci infiniment à tous les trois. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.